La sœur, bonsoir. Blues blast dans la sainteté, le frère Cyril, bonsoir. Un événement particulier nous rassemble ce soir du côté de ta maison. De quoi est-ce qu'il est question? Il y a une bonne nouvelle de chez toi. Il y a une bonne nouvelle chez toi ce soir. Comment, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a de bon chez toi? Oh, c'est coupé là. C'est coupé là. Les oreilles indiscrètes signalent qu'il y a de bonnes nouvelles chez toi que tu dois nous raconter ce soir. Comment ça va le chez toi? Qu'est-ce qu'il y a de bon chez toi? Ce qui est bon chez moi, c'est que la nuit, je peux bien prier parce que je peux bien dormir. Tu peux bien dormir la nuit? Non. Je peux bien prier parce que je n'ai plus le sommeil la nuit. Hein. Ok, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc c'est la bonne nouvelle qui est chez toi. Voilà. C'est que je n'ai plus comprendre. La sœur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui est connecté ou bien les autres médecins sont en urgence. Les oreilles indiscrètes également ont signalé que cette semaine tu étais dans la présence, dans l'ambulance et on entendait beaucoup de sirènes telles qu'on a entendu tout à l'heure en fond sonore. Quoi est-ce qu'il est question ma soeur? Les oreilles indiscrètes là sont loin. Hein? Comme on ne cite pas les sources de nos révélations et de nos informations, on ne peut pas citer les personnes concernées. Ah oui, mon frère, aux urgences, on sort aussi en ambulance. Mmh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un qui était mort ou bien décédé? C'est la semaine, il y a 2 semaines qu'il y a eu un mort, en fait. On est allé chercher quelqu'un qui avait un arrêt cardiaque. Mmh. Et tu l'as tué, tu as profité pour te la tuer encore quoi? Il est décédé seul. Il est tombé tout seul chez lui. On m'a juste appelé. Mais il était à moi. J'ai massé. Hein. Là, j'ai essayé de le sauver, mais Tu n'as pas fait le bouche à bouche. Peut-être que tu pouvais lui donner l'oxygène, le souffle de vie. Oui. N'est-ce pas? C'est l'un des techniques. Après avoir fait le massage cardiaque, ça ne va pas. N'est-ce pas? On fait le bouche à bouche là pour essayer de donner un souffle. Tu as dit que si c'est la dernière recours, là, tu le laisses mourir, quoi. Et tu as laissé de mourir le patient. C'est clair. Tu l'as laissé mourir. ce n'est pas le nom assistant en personne en danger. Non. Que le Seigneur vous. Pas de. Donc la sœur le frère Cyril serait prêt à faire de bouche à bouche à un homme pour lui donner le souffle de vie et afin qu'il revive rapidement. N'est-ce pas, frère Cyril? Non, frère. On ne fait pas le bouche à bouche. On fait le bouche à bouche seulement si on n'a pas. Si on n'a pas ce qu'on appelle, si on n'a pas le, on appelle ça en français, comment là? Si on n'a pas, je sais pas comment on appelle ça en français. On appelle ça un bouboy, c'est-à-dire que c'est un truc qui est comme un masque qui ferme le nez et la bouche. Oui. Et on pompe l'oxygène là. Hein. Oui, donc si tu es en promenade avec ta femme et puis subitement tu vois quelqu'un qui, ou bien dans un avion, vous allez voyager, quelqu'un tombe comme ça, il manque d'oxygène, tu n'auras pas ce masque là parce que tu ne marches pas constamment avec cela, non? Tu peux mettre un tissu dessus. Mm-hmm. Pour éviter qu'il y ait le contagion. Tu peux mettre un tissu dessus. Mm-hmm. Et tu peux aussi pousser par la narine. Tu peux oublier de pousser par la bouche. Mm-hmm. Tu peux faire par la narine aussi, quoi. Mm-hmm. C'est moins efficient, mais tu peux passer par la narine. Oui, et tu le fais bisous rapidement. Non, c'est la narine. Vraiment pas. Okay. La narine. En tout cas, ce sont des gènes et des problèmes que nous rencontrons dans le cadre de la médecine. Comment on va également voir ce soir? Le temps pour nous de prendre une respiration musicale, n'est-ce pas? Et asseyez-vous confortablement, nous revenons tous après cette ponctuation musicale comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse. I am the God that healeth thee. sent my word and healed your disease. I am the Lord, your composé de deux mots grecs, gune, qui signifie dans le grec ancien femme, et de logos, logias, qui veut dire discours dans ce même grec ancien. La gynécologie, donc, à l'origine, est appelée de façon étymologique comme le discours, bien la science et l'étude de la femme. C'est une spécialité médico-chirurgicale qui s'occupe de la physiologie et des affections du système génital de la femme. Notons que la spécialité de ces aspects médicaux pour les hommes s'appelle quant à elle l'andrologie, andro pour les hommes et logia sur le discours et l'étude sur les hommes. Comment concilier la vue des images enregistrées dans leur pensée par ces pornographes, les images pornographico-médicales journalièrement par les médecins gynécologues chrétiens et leur vie de sainteté telle que prônée dans les Saintes Écritures? Tel est le but recherché dans cet enseignement qui vise à mettre en lumière la vie des péchés sous silence de nos frères les médecins gynécologues. Blouse blanche pour Jésus se penche ce soir sur ces, enfin, de façon générale, sur ces cas qui fâchent et sur les cas qui fâchent dans le cadre de leur métier, des hommes en blanc. Et ce soir, nous allons rencontrer et croiser pour la deuxième fois ceux qui traitent les affaires de l'entrejambe féminin et de leur contour de leur jardin secret, jadis réservé à leur homme. Ils exploitent comme ça le jardin privé de Marie. Et ça pose problème. La problématique, une fois de plus, deuxième partie de l'enseignement concernant la fornication et l'impurité visuelle en milieu hospitalier, les kinésithérapeutes, les urologues et les gynécologues sont directement pointés du doigt dans cet enseignement. Comme je l'ai dit à mon propos liminaire, comment concilier leur vie de prière, leur vie de sainteté telle que proclamée dans les Saintes Écritures et les images constamment filmées et retenues par cette séance de pornographico-musicale développée par ces hommes en blanc. Tel sera le cas à observer ce soir à la lumière des Saintes Écritures. Bonsoir et bienvenue. Asseyez-vous confortablement. Sing his word back to him and see if his name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, he's your healer. Let's sing it to him. You are the God that healeth me. You are En parcourant l'histoire de la gynécologie et en brossant dans les années depuis 1800, lors de l'apparition moderne de cette filiale médicale, on trouve effectivement beaucoup de jeunes les femmes qui visitent pour la première fois et pour la seconde fois, et même jadis, par rapport à des hommes qui souhaitent découvrir les jardins secrets. Bonsoir et bienvenue à la sœur Monique. Bonsoir, Frère Junior. Bonsoir à toute la famille. Oui, les procédures d'usage des salutations. La dernière fois, dans la première partie de cette émission, tu avais dit que tu tâtais les papiers. Quand tu lavais les papiers, pour te citer exactement tes mots, tu lavais les papiers. Et il y avait certains gènes. Parlant de la gynécologie et de toutes ces choses dont nous, les chrétiens qui font dans le corps de votre métier, expérimente chaque fois. On a vu que vous aviez, toi, de façon particulière, tu avais la gêne lorsque tu lavais les papiers. Ces personnes âgées abandonnées. Et tu avais dit clairement qu'il y a certains papiers qui te guettaient en regardant droit dans les yeux, en fixant si tu lavais bien cette partie-là. Qu'en est-il depuis la première émission? As-tu encore lavé les papiers avec ces zones-là, ma soeur? Ouais, j'avais aussi dit par la suite que bon, par la grâce de Dieu, j'avais eu un nouveau job ailleurs et la section où j'étais en maternité, ce ne sont que la plupart des femmes qu'on trouve là-bas. Donc tu as fui les papiers, quoi. C'est pas moi qui ai fui, hein, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est vrai que là peut-être il faut que je reprenne le travail, je serai confrontée à un autre problème parce que là-bas on met pour tenir le pantalon. Voilà. Donc, installe-toi confortablement, ma soeur. Nous allons continuer dans la deuxième partie ce soir. La soeur Anne, bonsoir, rebonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon frère. Ok. À l'entame de mes propos, je définissais le mot gynécologue comme décomposé étymologiquement de deux mots venant du grec ancien gouné, qui veut dire femme, et logos, qui vient du discours, c'est-à-dire étymologiquement. La gynécologie serait la science ou bien l'étude sur les femmes. C'est-à-dire que c'est comme je l'ai dit dans les propos. Et petit à petit, on a glissé jusqu'à commencer à centraliser la gynécologie à l'étymologie. Je recommence encore sur l'étymologie. C'est le discours sur les femmes ou bien la science pour étudier les femmes. Et petit à petit, on est arrivé au niveau de l'entrejambe, le jardin secret féminin qui est normalement réservé à l'homme de cette femme là, à l'homme de cette femme là. Comment est-on arrivé à ce que la gynécologie commence à poser problème particulièrement aux chrétiens? Ma sœur Anne, tu as la parole. En fait, la gynécologie pose problème aux médecins chrétiens, surtout du sexe masculin, pardon. Parce que du coup, de manière dans la première partie, on avait même déjà parlé de ça, on avait déjà défini. Et on s'était mis d'accord ici que tout chrétien, homme, qui était gynécologue, devrait démissionner parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Dans le sens où, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, la gynécologie, ça parle des parties intimes de la femme, donc du bas en haut. Voilà. Donc, un gynécologue homme ne peut pas me dire qu'il examine une femme, comme s'il ne la touche pas, il voit. Et d'une manière ou d'une autre, il pêche. Parce que que ça ne pas de la scénologie, celui qui va s'occuper de faire des mammographies ou l'échographie ou de je ne sais quoi. De toute manière, il voit et il pêche. Donc, c'est à ce niveau-là. D'où notre thème, en fait, notre thème, la fornication en milieu hospitalier, surtout fornication visuelle. Pour l'instant, on traite encore du visuel parce que de toutes les manières, on touche. Même celui qui va dire qu'il va opérer une femme parce qu'elle a le cancer de l'utérus, mais de toute manière, pour opérer une femme avec le cancer de l'utérus, les deux jambes sont en l'air. Hein, voilà. Même si elle est endormie, de toute manière, il voit. Donc, ça. Je pense que c'est ça le problème, si je n'ai pas été très brutal dans mes propos, mais c'est ça le problème du chrétien. Brutalement dit, traiter la femme écartée et avec les jambes en l'air par la sœur, hein. Nous accueillons le frère Yassine avec cela. Frère Yassine, est-ce que toi tu aimerais qu'un autre homme écarte les femmes les jambes de ta femme en l'air pour examiner ses parties intimes? Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. vous tous. La réponse est non. Hein. Et pourquoi vous, les médecins, vous écartez pour les femmes d'autrui? Bon, au fait, je crois que... comme toute chose, on l'apprend toujours petit à petit. Ça veut dire, ce sont même ici en Europe, pas seulement les médecins, même dans toutes les cultures, on apprend d'abord petit à petit, tu vois. Même à l'époque, il y avait par exemple les piscines qui étaient séparées, les piscines des femmes, les piscines des hommes. Mmh. Avec le temps, on a amené les gens, n'est-ce pas, à petit à petit à s'éloigner de cette intimité-là. Mmh. Donc l'intimité de la femme, l'intimité de l'homme, on a ouvert les frontières petit à petit. C'est comme ça que ce truc-là s'intègre dans l'esprit des gens. De sorte à ce que quand on se remet à faire ce genre de choses, on n'a plus conscience au fait que c'est un problème. Tu vois, donc, ce sont des choses, c'est un peu comme l'homosexualité à l'époque, c'était des choses que tu ne peux pas marcher à main avec un homme, on te jetait les cailloux sur la rue. Mmh. On a commencé par nous montrer ça par les films, par nous montrer ça à la télévision, par nous montrer ça petit à petit, et la société l'a accepté. Donc, ce n'est pas, on va dire, en médecine, qu'est-ce qu'on va dire des gens qui vont à la piscine? Ou bien on appelle ça comment les chambres dans la piscine pour se bronzer. Les femmes et les hommes sont là-bas toutes nues. Donc, c'est pour dire que ça c'est la société qui l'accepte et la société intègre comme ça, petit à petit, ça va devenir pire. Donc, et je crois certainement que bon, chacun ne peut définir ses frontières en ce qui concerne ce genre de choses. Chacun ne peut définir ses frontières. Par exemple, je vais dire, on va prendre l'exemple d'un anesthésiste. Un anesthésiste. Par exemple, qui doit faire une péridurale ou un truc de ce genre. Dans tous les cas, tu vois le corps d'une femme d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est quelque chose où vraiment on doit définir les frontières, en fait. Mmh. Et ça va aller de pire, comme, à mon avis. Et c'est ça, nous définissons les frontières pour les chrétiens, comme je l'ai dit une fois de plus, les chrétiens qui existent, nous définissons les frontières. Si vous venez de nous prendre, vous écoutez Blues Black dans la sainteté sur Bamba Yeba et sur tout autre support dont vous recevez, nous traitons de la fornication et des impuretés visuelles en matière hospitalière, et ça concerne purement les chrétiens, parce que même si les mondains devraient esquiver cela, ils pécheraient toujours. Puisque nous parlons de sainteté et la vie sainte, nous définissons donc les frontières pour dire que c'est pour les médecins chrétiens justement. Et ce soir, le frère Yassine nous a parlé que la société a ouvert les frontières, a brisé les frontières tabous. La femme, d'après ses pensées, le corps de la femme qui était jadis un secret et cajolé et bien gardé est aujourd'hui ouvert au-dessus de tous. Il a cité le cas des piscines, le cas des maisons mixtes qu'on cause maintenant, alors qu'initialement c'était des chambres séparées, des lieux séparés. Et petit à petit, dit-il, la société a préparé et accepté ces choses-là pour pouvoir banaliser, en prenant comme exemple, justement, une fois de plus, les facultés visuelles projetées sur nos écrans dans les films pour préparer nos mentalités à accepter l'homosexualité. Et jadis, on a également vu les femmes nues dans les clips de musique et ainsi de suite. Et petit à petit, on a commencé à banaliser le corps des femmes, ce corps féminin qui est initialement protégé et divinement protégé par Dieu comme étant un corps pur. Alors, le frère Hassan, il reste avec toi. Qu'est-ce qui se cache derrière cette pensée des frontières qu'on a brisées, ces barrières tabous qu'on a brisées pour pouvoir pousser l'homme à l'extrême, au point où les femmes marchent quasiment nues dans votre Europe continentale, pauvre Europe? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Effectivement, n'est-ce pas? Tu dois bien te dire, on doit bien se dire que ça, c'est une manière subtile d'exposer l'homme dans toutes les formes du péché, que ce soit dans la fornication, que ce soit dans les adultères, ainsi de suite. Donc, à mon avis, c'est un peu ça qui se cache derrière. Donc, exposer l'homme vraiment à une déviation poussée, sans qu'il ne se rende compte, en fait, sans qu'il ne voit le mal en ça. Et justement, je pose encore la question, est-ce que les hommes de cette société-là se rendent compte qu'ils baignent dans le péché en voyant de telles choses? C'est ça la question. C'est comme quand quelqu'un est dans l'obscurité, il s'est tellement habitué qu'il ne, Il ne voit pas quelque chose autre que ça, en fait. Tu vois, c'est à peu près quelqu'un qui, c'est comme quelqu'un qui fait toute sa vie mal. Mais le, ou bien, je vais prendre un exemple un peu simple. On va m'excuser pour l'exemple. Peut-être ce n'est pas là, mais je m'excuse d'abord pour l'exemple. Quand nous, ou du moins moi, je vais m'arrêter sur moi, n'est-ce pas? J'ai grandi au Cameroun. On était habitué, tu vois comment les routes sont, tu vois comment tout est. Pour toi, c'est normal. Le jour où tu as peut-être la malchance, ou je ne sais pas, la grâce, ou bien comme on peut le définir, d'arriver dans un pays, par exemple, je prends les États-Unis ou l'Allemagne, tu arrives subitement, tu vois comment c'est propre. Tu arrives dans les toilettes, tu ne vois pas comment tout est à côté. J'avais dit que les papiers hygiéniques sont en bas, de la chasse, tout est donc toi avec, tu vois comment ça arrive. C'est là où ça vient dans ton esprit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois? Mais vivant dans cette société-ci, tout concourt à cela. Tout concourt à dénuder, et si je peux dire, à déshabiller l'être. Et c'est pourquoi il ne peut pas se rendre compte qu'il fait mal. Tu vois? Et toi maintenant qui viens avec une autre appréciation, tu es comme celui-là qui est un peu l'idiot, qui ne comprend pas. Je prends un exemple simple, n'est-ce pas? Un exemple que j'ai eu, à observer. À savoir, les gens des pays de l'Orient, là, ça veut dire, et les gens des pays arabes, n'est-ce pas? Si ce sont des gens qui ont encore, bien que ça n'aide pas beaucoup, qui sont un peu pieuses. Donc ça veut dire, elles s'habillent, elles se couvrent le corps. Et il y a beaucoup des gens qui ont demandé l'asile dans ce pays-ci, c'est-à-dire l'Allemagne. Et ces gens-là, quand ils arrivent à l'hôpital chez les gynécologues, ils insistent généralement qu'ils veulent aller chez les femmes. Et c'est la réaction des Allemands qui m'intéresse à ce moment-là. Ils disaient que, mais comment ça ne peut pas s'adapter à notre culture? Tu vois un peu? Oui. Donc, pour eux, ils aimeraient que la femme arabe qui, dans son pays, n'a pas été habituée à aller ouvrir ses pieds devant un homme ou à se laisser examiner par un homme, le fasse ici parce qu'elle a et parce qu'elle doit respecter les règles allemandes. Donc, c'est vraiment un problème qui se pose. Ou bien, c'est aussi quelque chose qu'on peut constater au téléphone. Tu appelles, par exemple, tu dis que tu cherches une gynécologue pour ta femme. Tu vois, généralement, ils savent déjà que quand quelqu'un, un ton étranger, il demande que je suppose que tu veux que ce soit une femme qui t'examine. Tu vois, ça montre au préalable qu'ils ont eu affaire à ces personnes qui ont porté, n'est-ce pas, qui ont souhaité se laisser examiner par les femmes. Mais pour eux, dans leur culture, c'est encore difficile à accepter ça. Et dans le cas, échéant, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de respecter notre culture, ou bien ils poussent les gens qui ont fait appel dans ces exemples dont tu as parlé à aller du côté féminin pour briser leur culture. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire dans ce cas-là, pour le cas de l'Allemagne? Maintenant, c'est un côté. Maintenant, ça, c'est une question de personnalité. Ça dépend avec qui tu as affaire. Tu vois? Et c'est pourquoi ils disent même que parfois, on nous parle de démocratie, mais même ils ne comprennent pas parfois des monstres. Ou bien c'est difficile à comprendre. Parce que moi, je peux bien. Je ne suis pas sûr qu'un Allemand ou un Européen arrivera au Cameroun. Tu l'obliges à faire ce que les Camerounais font, il le fera. Oui. Ouais, je ne suis pas sûr. Bon, maintenant, c'est pour ça que je dis ça dépend des personnes auxquelles tu fais face. Il y a des gens qui vont te dire, ok, si tu ne veux pas que ce soit moi, tu vas aller dans un autre hôpital. Tu ne veux pas, tu vas aller dans un hôpital. Un autre qui peut-être qui comprend ça, te dira, ok, d'accord, je vais voir si j'ai une collègue qui est disponible. Et aussi, on doit bien se dire, tu es dans un pays où tu vas arriver en gynécologie, par exemple, dans le domaine où on parle, où les hommes se lancent de plus en plus. Par exemple, quand je regarde même dans la ville où je suis, les professeurs en gynécologie, ce sont les hommes. Oui. Tu vois? Donc, ça veut dire vraiment, c'est quelque chose qui monte vraiment vers l'âge. Donc, ça dépend de la personne à laquelle tu as affaire. Oui. Merci mon frère. Où est le frère Cyril? Frère Cyril, n'est-ce pas la mentalité que nous avons maintenant en tant que mentalité sanctifiée, n'est-ce pas une abomination pour une femme qui se couvre d'aller se découvrir devant un homme, devant un inconnu comme ça, et exposer son jardin intime qui concerne son mari à un inconnu pour cause médicinale? Oui, naturellement. Le problème, c'est que tu peux décider de ne pas Alors, j'ai un gynécologue femme, j'en ai dit homme, mais il y aura des cas de santé qui vont t'obliger à exposer ta, en fait, ta nudité aux hommes. C'est-à-dire, je prends un exemple très simple. Si tu as, en fait, la soeur, elle a dit, si tu as une opération gynécologique, tu vas sûrement pas choisir qui va t'opérer. Si tu vas en soins intensifs, ceux qui connaissent un peu les soins intensifs, généralement, toi, un soin intensif, quand tu es vraiment touché, et quand tu es un peu enclavé à mort, généralement, on te fait le monitoring, et on a toujours à voir les paramètres des reins. Les paramètres des reins, c'est l'élimination des urines. On te met généralement le cathéter. Donc, s'il y a des hommes qui travaillent sur l'intensif, c'est eux qui vont te mettre le cathéter. Donc, à la réalité, il y a des choses que tu peux définir, comme aller chez le gynécologue, choisir que c'est une femme qui est le gynécologue. Mais maintenant, c'est qui peut arriver dans un cas d'esclavage de gestation, tu ne peux pas définir ça. Oui. Parce que tu n'es même pas. Tu ne pourrais même pas être conscient. Oui. Bon, de façon consciente, est-ce que c'est normal que quelqu'un quitte, une femme chrétienne quitte et va dans cette direction-là, en ayant le choix? Non, ça ne peut pas être normal. Voilà. Maintenant, et je pose la question de but en blanc comme ça, je pose la question directe. Nous avons vu que la gynécologie concerne la médecine, cette étude-là, sur les femmes. Est-ce que toi, en tant qu'homme, tu iras voir une femme qui travaille dans l'andrologie, c'est-à-dire que le cadre des soins de la gynécologie des hommes. Tu as un problème d'érection, par exemple. Je ne souhaite pas. Et ton érection est toujours tendue, constamment debout. Quand tu entends un petit bruit, c'est debout. Est-ce que tu te dirigerais dans le bureau d'une femme et ouvrirais ta culotte également et dirais que voilà, sa maman, c'est toujours tendue. Tu lui diras cela? Non, qu'est-ce que c'est quoi? Déjà, d'abord, en dehors de ta question, moi, je ne vais même pas là-bas à l'hôpital. Parce que moi, je suis actuellement là-bas, je ne vais pas à l'hôpital. Donc, deuxièmement, je peux parler de ma culotte. Oui. Moi, une fille, non, il fallait que c'est la sorcellerie, mais il y a certains gens qui sont pleins, qui disent que je ne parle pas de la sorcellerie. Donc, je dis, non, ça ne donne pas. Frère Yassin, je te pose la même question avant de revenir sur le frère Cyril. Nous avons vu, depuis la première émission, nous avons développé seulement dans la partie la kinésithérapeute et l'urologie, et nous avons touché l'urologie. Mais il prend particulièrement le contraire ou bien encore la partie féminine, la partie masculine de ces gynécologies, c'est-à-dire que l'andrologie. Toi maintenant, en tant qu'homme, est-ce que tu iras, parce que dans l'andrologie également, dans cette branche de la médecine, il y a les femmes qui y exercent. Et l'andrologie concerne maintenant cette fois-ci les hommes. Les problèmes d'érection et autres là-bas, aimerais-tu qu'une femme te talte un peu les deux testicules? Bon, vraiment, ça c'est très difficile, ça risque d'être très difficile. Et rappelons que vos deux femmes, les hommes qui sont présents ce soir, vos deux femmes nous écoutent. Oui, ça risque d'être très difficile, pas dans un état de conscience, oui. Vraiment. Oui. Et si peut-être quelque chose est arrivé, tu te trouves dans le lit, peut-être que tu reviens dans la conscience, tu vois une femme en train de tâter, en mettant les appareils sur les deux testicules, en soulevant, en basculant ça comme ça, qu'est-ce que tu lui diras, mon cher? La première chose que je vais faire, c'est d'essayer de la chasser, quoi. Mais bon. Oui. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Donc, c'est. Non. C'est. Non, ça ne passe pas trop. Mais si ça commence à gêner les médecins, vous qui êtes médecin, à combien il faut raison donc maintenant les ceux qui ne le sont pas? Alors la sœur Indité, laisse la parole. Pose des questions à ces deux hommes qui sont avec nous ce soir concernant l'andrologie et les différentes choses qu'ils puissent rencontrer. Pose les questions qui dérangent, comme on vous pose des questions à vous les femmes aussi par rapport à la gynécologie. Je crois que son micro doit être fermé. Oui, mon sœur. Je ne sais même pas quoi leur poser comme question. Parce que la réaction de tout à l'heure m'a déjà seulement fait bruit de rire. Pourquoi tu faisais rire, ma soeur? Non, mais ça m'a fait mourir de rire, quoi. Mais en fait, hein, je vais poser une situation vécue. Et comme ça, ils vont me donner leur point de vue. J'ai un monsieur d'environ une quarantaine qui arrive un matin. J'étais le seul médecin qui était là. Le monsieur, ça faisait plus de 24 heures qu'il n'avait pas uriné. La fois quand il a essayé d'uriner, il avait tellement mal. Et ce monsieur, il est arrivé en rampant. Il était vraiment à genoux. Il hurlait de douleur. Il s'est déshabillé. Il s'est déshabillé partout. Il dit j'ai mal, aidez-moi, j'ai mal, j'arrive pas à uriner, j'arrive pas. Et il tenait son sexe comme ça, j'arrive pas à uriner, aidez-moi. Et du coup, on dit il faut un médecin. Du coup, quand j'entends ça, je dis mince, là, j'ai pas le choix. Donc, et ce monsieur, il était vraiment en douleur. Franchement, il était douloureux. J'ai eu vraiment de la peine. Quand j'entre, il était nu. À genoux, comme ça, il me tendait la main comme ça, aidez-moi, s'il vous plaît, j'arrive pas à aider. Donc, moi, je m'adresse à ces deux hommes-là. Qu'est-ce que vous aurez fait, en fait? Parce que là, il est en train de crever. Ce monsieur, si on ne le sondait pas, et quand on le sondait, quand on mettait la sonde, c'était vraiment des caillots de sang qui étaient en train de sortir. Il était vraiment en souffrance. Et celles qui devaient le sonder, c'était deux infirmières, parce que il n'y avait pas d'infirmières, c'était des femmes. Et moi, j'étais le médecin femme qui arrivait. Qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez préféré crever de douleur, parce qu'en ce moment, on ne contrôle pas son corps. On n'est pas maître de son corps, en fait. Vous n'avez même pas la faculté de décider. Vous aurez fait quoi? Mais là, vous êtes lucide, hein? Vous n'êtes pas endormi, vous êtes vraiment lucide. Vous aurez fait quoi? Bonne question. À eux la réponse. Moi, l'affaire, c'est la... De toute évidence, il faut se dire que... Chacun pourrait dire spontanément qu'il va... S'il arrive dans un cas comme ça, il va prier. Et la prochaine question qu'on lui posera, c'est que si Dieu ne répond pas, qu'est-ce qu'il fera? Parce qu'il faut savoir que Dieu reste quand même un peu tout souverain. Donc, il décide... Prier, mon frère, le réflexe... Il faut avoir le réflexe de prier, parce que la manière dont j'ai vu ce monsieur, vraiment, bref, je ne souhaite pas ça à quelqu'un, franchement pas. Je suis en train de parler sur le plan théorique, il me dit que, si on pose la question, naturellement, comme il s'agit de convoiter sa nudité par rapport au sexe opposé, quelqu'un dirait pour échapper à cette confrontation qu'il prierait. Mais maintenant, à supposer qu'il prie que le Seigneur ne répond pas. Que faire? C'est justement ça la question. Je pense que sur le poids de la douleur, dès que on sera véritablement confronté au poids de la douleur, qu'on saura exactement ce qu'on va faire. Parce que maintenant, là, c'est un peu comme la spéculation. Chacun peut spéculer. Ou chacun peut prétendre. Mais sur le poids de la douleur, maintenant, quelqu'un peut succomber à faire telle ou telle chose. En ce qui me concerne vraiment, moi, j'essaierai de supporter, mais ça ne donne pas. Après que le CM soit resté muet, je vais commencer à interpréter le fait que le CM ne répond pas, en me disant que s'il ne répond pas, débrouille-toi. Ça, c'est pour que. Vêtements honnêtes, hein, pour ne pas raconter les films chinois. Parce que ce dont on est en train de parler là, c'est quelque chose que j'ai vécu. Avec les patients, je peux imaginer la douleur que quelqu'un ressent lorsqu'il n'arrive pas à revenir depuis 24 heures. C'est vraiment insupportable. Et je te dis, c'était un noir. Et à la veille, il était à l'église, hein. C'est pas une blague. Il est allé. Donc, c'est ça, enfin, ça c'est ce qui me concerne. Hein. Après. Donc, il passe la main au frère Yassine, là, non? Ah! Vas-y, frère Yassine, tu. Oui, vraiment. C'est un très bon cas de figure. Parce que, tu sais, comme on dit, vraiment, chacun peut toujours, comment je vais dire, quand tu as une situation devant les yeux, tu crois toujours, ou bien tu as toujours une solution que tu peux sortir de X à Y, Z, mais je crois que c'est devant les faits, c'est devant les faits que chacun connaîtra vraiment si... En tant que médecin, lui-même, il va aller chercher un cathéter pour ce cathéter, pour je vais dire un cathéter pour ce cathéter, pardon? Pour se sonder. Pour se sonder. Ouais. N'est-ce pas? Ou bien, bon, s'il va se livrer, entre les mains des infirmiers et tout. Donc chacun, c'est dans les moments là que chacun décide vraiment spontanément comme ça. Comme tu as dit, quelqu'un peut dire qu'il va prier par la langue, faire je ne sais pas quoi. Mais bref, je crois qu'il y a des situations auxquelles vraiment soit chacun, ce n'est qu'au moment là que chacun peut décider ce qu'il fait. Ben, tu peux dire que tu vas rester à la maison, prendre un antidouleur, prendre ceci, cela. Mais c'est dans certains moments que chacun réalise, ou du moins chacun voit quelle est sa frontière, ou bien chacun réalise quelles sont ses frontières, quoi. Vraiment. Avant de continuer, puisque dans la blouse blanche pour Jésus, nous avons servi également des plateformes pour orienter les chrétiens qui auraient des problèmes. Et je lance ici l'appel encore une fois de plus pour une énième fois pour tous ceux qui souffrent des douleurs de différentes sortes, des besoins de conseils. Je vais consulter les médecins mondains qui vous ont taxé trop cher. Ici, c'est gratuit. Les frères et sœurs qui sont ici vous livrent les secrets de la médecine et vous prescrivent ces choses-là gratuitement. Donc maintenant, je pose la question directement liée à cette petite intermède que j'ai dite maintenant. Connaissez-vous les gynécologues femmes qui soient des chrétiens? Oui, oh oui, bien sûr. Dans les gynécologues femmes. Oui, donc. Des femmes. Alors, puisque tout à l'heure, le frère Yacine, dans ses propos luminaires, parlait des différentes frontières qu'on a brisées. Et il a dit il faut définir ces frontières. Les musulmans, comme dans le cadre de Moyen-Orient dont il expliquait, les musulmans ont tracé des frontières de telle façon que les femmes musulmanes vont uniquement vers les gynécologues femmes et les hommes vont vers les hommes. Pourquoi ne pas tracer ces frontières chez les chrétiens, eux qui devraient être radicaux dans ces choses-là, le frère? Je crois que ce serait bien de poser la question à la sœur Monique Odia. La sœur, pourquoi ne pas tracer la frontière et définir pourquoi dans la mentalité des chrétiens, ce n'est pas déjà défini au préalable que si je suis une femme, j'ai des problèmes, je cherche une gynécologue femme, et on est exposé à ces choses dont nous parlons tout à l'heure. Pour dire vrai, déjà ici où je me trouve, il faut avoir déjà un médecin de famille. Bon, si tu n'as pas le médecin de famille, je prends mon cas quand j'étais enceinte. Les trois dernières visites qu'il fallait que je fasse, j'ai demandé à être consultée par une femme. Mais le fait est là que quand tu demandes au niveau des infirmières, on te dit clairement que non. C'est pas comme ça. Déjà, il n'y a pas assez de médecins. Et en plus, on ne te garantit pas que c'est une femme qui va te consulter. Donc, ce qu'il y aura, c'est la personne qui va te consulter. Tu acceptes ça comme ça. Continue, voilà. Continue la suite de l'histoire, justement. C'est vrai que, avec la grâce de Dieu, parce que le jour, j'ai prié vraiment que, franchement, Seigneur, c'est toi qui m'as amené là, donc. Donc tu as dit que c'est Dieu qui t'a mis dans les problèmes. Je voudrais vraiment que ce soit une femme qui me consulte là. Ces deux fois-là, il y a des femmes qui m'ont consulté. La troisième fois, c'était un monsieur, mais il avait une étudiante qui cochait. Donc c'est l'étudiante qui m'a consulté. Lui, il était assis. Il disait juste fais comme ça, va comme ça, va comme ça. Voilà. Oui. Bon, mais comme les frères disaient tout à l'heure, heureusement, je ne sais pas. Après, il y a une situation qui va faire que ce ne sera plus une femme, c'est un homme. J'allais accoucher, par exemple, c'est un homme qui m'a fait accoucher. Et comment étais-tu? Quand j'allais accoucher? Oui. Oui, mais là, l'enfant voulait déjà sortir, non? Enfin, là, à ce moment-là, tu... Donc, on est dans le cas urgent, comme tous les cas nous avons noté tout à l'heure, n'est-ce pas? Exactement. Alors, je te pose la question directement. J'aurais souhaité que ce soit une femme. Oui. Mais bon. Il te pose la question directe. Est-ce que avec les problèmes gynécologiques, tu iras vers un homme de façon consciente pour consulter? Et si dans ta zone, comme tu le disais, il n'y avait pas de gynécologue femme, que feras-tu? Je vais te répondre honnêtement, frère Julien. Pour le peu de connaissances que j'ai, quittant déjà du Cameroun, je vais essayer avec ce que je connais moi-même. Maintenant, si jusque-là, ça ne donne pas... Donc, tu vas essayer de faire le son de toi-même, quoi. Tu vas rester toi-même si tu fais le son. Si c'est pour faire la sonde, je peux diriger mon mari parce que je sais exactement comment ça se passe. Mm-hmm. Si j'ai le matériel, si j'ai le matériel avec moi à main, oui, je peux diriger mon mari. Mm. Et si lui est en voyage, tu diriges le voisin. Non, mais quand même, le voisin ne va pas venir voir ma nudité là. Alors maintenant, et si ton mari n'est pas là dans ma soeur, réponds directement à la question alors. Mon frère, là, je suis calé. Et je n'arrive même pas à trouver la réponse. Dans ce cas, nous nous tournons du côté de la sœur reine. La sœur reine, si tu as un problème gynécologique, est-ce que tu seras prêt à ce qu'un homme t'examine? Non, aujourd'hui, non. Je suis très peu possible. Avant, oui. Moi, je m'en foutais. Mais aujourd'hui, non. Mais ici, dans ta zone, il n'y a pas, connaissant les médecins qu'il y a chez vous, s'il n'y a pas de médecins, des gynécologues, femmes, que tu fais-tu? Mon frère, j'ai les réseaux. Tu as les réseaux. Donc, je suis médecin, donc. Donc, tu connais exactement où les gens. Et si, dans, lors des appels à de tous les réseaux, elles ne sont pas disponibles, tu fais quoi, ma soeur? On prie, mon frère. Bon, si j'ai mal, hein, si c'est pas la douleur atroce, parce que, comme les frères disaient tout à l'heure, quand tu es dans une situation où tu as mal ou, je ne sais pas, d'urgence, ou tu es en train d'accoucher, là, c'est autre chose. Si j'ai le choix, je ne le fais pas. Oui. La soeur, je reste avec toi. On voit effectivement que les questions autour du sexe posent problème entre les chrétiens et les chrétiens gynécologues, particulièrement médecins. Pourquoi? Explique ta question, mon frère. Lorsqu'on touche dans le cadre de médecine, que ce soit dans l'andrologie ou bien la gynécologie, on voit que ça pose un problème au niveau de la faculté visuelle et au niveau des images et de la sainteté. Contre la sainteté, on voit que ça y a un choc, ou il y a un choc à l'opposé par rapport au sexe. Pourquoi? Concernant le chrétien qui regarde ou concernant celui qui est en face? Bon, prenons les deux cas de figure. Voici un médecin chrétien qui est gynécologue avec une soeur en Christ chrétien. Les deux ont des problèmes, pas vrai? Oui. Oui, les deux ont des problèmes, clairement. Maintenant, prenons le cadre du médecin chrétien, le médecin qui est chrétien, qui est gynécologue. Quelle est la différence de ce qu'il fait dans son cabinet privé et celui qui voit la masturbation ou bien la pornographie sur Internet ou bien sur son téléphone? Y a-t-il différence? Non. Pour moi, non. Exprime-toi, ma soeur. Mais celui qui se masturbe, oui, il reste, il regarde la pornographie et machin. Bon, après, on va dire que le médecin, il travaille avec une conscience assez différente que celui qui va volontairement sur Internet regarder la pornographie. Il y va parce que pour un but de faire quelque chose, pour un but de s'évader, je ne sais pas quoi. Par contre, le médecin, il le fait pour son travail. Il le fait pour son travail. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence parce que c'est en termes de péché, c'est le même en fait. Parce que tu vois, tu touches, c'est des images qui sont imprégnées en fait dans notre esprit. Donc, oui, clairement, on va dire que quand tu vois, tu en tant que médecin, tu ne penses pas à imaginer, je sais pas quoi, bref. Mais moi, je vois pas trop la différence en fait, parce que tu regardes, c'est difficile parfois de s'enlever certaines images. Une fois que l'image est dans notre esprit, voilà, moi je trouve que c'est pas très différent. Frère Cyril. La sœur reine dit clairement qu'il n'y a pas de différence entre l'homme. Et elle veut pas là dire que celui qui voit ça par des supports des médias le voit à distance, mais le médecin, le cas des gynécologues, lui passe à l'acte. Il passe à le toucher. Donc, pendant que l'autre voit de façon, il essaie de faire la gynécologie par esprit, le médecin lui fait ça physiquement. Et il dit que péché, c'est péché. Qu'est-ce que tu en dis? Il y a fondamentalement pas de grande différence dans la mesure où le point de rencontre c'est le même. Le point de rencontre c'est le même. Lévitique nous parle de ça, de la nudité. Et si quand tu fais des examens, parce qu'on parle de gynécolo, à la vérité, c'est pas seulement le gynécolo. Ça a parlé tout à l'heure de anesthésie, qui font les prises du vagin, et quand on fait la prise du vagin, généralement les femmes ont des petits, comme des petites, je ne sais pas comment on appelle ça, des lucettes, quelque chose comme ça. Nous, on fait souvent l'échographie. On fait l'échographie, les femmes retirent leur machin, leur soutien. Leur, quoi, là. Pas le, elles peuvent laisser le soutien, mais elles retirent tout. Donc, c'est anglais. Oui, oui. Donc, à la vérité, non seulement le contact visuel est là, mais le contact visuel peut même t'amener à que pervertir ta pensée. Même si à la base tu es là pour faire ton travail. Tu vois un peu? Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une exposition qui est certaine. Il y a une exposition qui est certaine. Oui, il y a une exposition qui est certaine. Oui. Donc, en vérité, ça veut dire la même chose. Ok. Oui. Frère Yassine. Tes deux confrères ont dit que si tu fais la gynécologie, toi particulièrement, tu touches à une femme, tu es exactement comme si tu étais sur Internet pour la pornographie. Parce que ton esprit travaille de la même façon, mais à la différence que toi, tu touches directement. Oui, dans tous les cas, on ne peut pas discuter sur ça. On ne va pas discuter sur ça. C'est clair que celui qui regarde un film porno, il va avec une intention précise. Pour lui, déjà, donc, c'est comme si tu veux monter un coup d'état. Tu as préparé ça dans ton esprit avant d'aller monter le coup. Donc, pour cela, il y a dans la pensée l'autre. Coup d'état pornographique. Non, je retiens tes mots, coup d'état pornographique. Oui. Bon, donc, déjà, ça, c'est, l'autre, c'est ton intention primaire. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça, ce n'est pas d'aller faire un acte pornographique et tout. Ton intention primaire, c'est comme la sœur et le frère Cyril ont déjà dit, c'est de soigner la personne. Et le frère Cyril a dit, même quand tu fais une échographie du cœur, tes mains là, c'est entre la. Donc on dit c'est sur le cœur, c'est dans la poitrine de la femme. Et même quand on fait la mammographie aussi. Oui, la mammographie même c'est mieux. Parce que la mammographie, c'est la femme qui part elle-même pour mettre ses seins comme ça là, sur la barre. Mais l'échographie, c'est toi qui soulèves comme ça pour faire, tu sais pas ce que tu fais là. Bref, vous dites que c'est vraiment difficile. Voilà. Mais les deux, c'est le même résultat, mais un a vu une intention précise. Et l'autre se trouve dans le péché sans une intention préconçue. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça veut dire que nous résumons que celui qui fait la pornographie, il va déjà avec une prédisposition de péché. Donc, même s'il arrête, il ne trouve pas l'image dont il cherchait, il a déjà péché et consommé le mal. Alors que le médecin gynécologue reste tranquille, ça vient le trouver dans son bureau. Voilà. Alors, la sœur Reine, je vais vous partager un document. Nous sommes sur le site d'embouze.com. Il veut que nous lisions cela ensemble. La sœur Reine va nous lire cela. Lorsque vous allez voir ça sur votre écran, voyons, je crois que c'est bon. Si vous avez déjà ça sur votre écran, la sœur Reine va nous lire ce qui est écrit là, sur ce bloc-là. Et comme ça, nous allons partager. Et vous, comme vous êtes les gynécologues, nous allons voir de quoi il est question. Je vous partage l'image dès le départ. Donc, la sœur Reine, on y va. Je crois que nous avons quelques soucis de connexion là. I am the God. is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors that tells you your disease is incurable. You know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. See if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God. Alors, vous m'entendez? Rebonsoir. Rebonsoir, Tano. Ouais, j'espère que c'est pas les, quoi, l'ordre des médecins qui envoie déjà les esprits contre les connexions. Pourquoi on ne parle pas de ces choses-là? Ah, le feu, il y a 5 minutes chassé. Ok, merci beaucoup. Merci au moins. Alors, avant que nous allions avec cette interruption-là, je tentais de partager, vouloir partager quoi, une petite lecture sur un bloc et la sœur va nous proposer. Nous allons lire comme ça deux et vous, on va en commenter avant de toucher le cadre biblique de ces choses-ci. On va essayer de distiller quelques versets bibliques contre la gynécologie pour l'organe, pour la jante masculine. C'est-à-dire que principalement pour ne plus souiller les pensées. On va voir ce que les versets bibliques en disent au sorti du slip. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vous partage ce journal de ce bloc. Et comme ça, nous pourrons, la sœur Reine va nous lire. Nous allons voir ce que ça dit. La sœur Reine, tu as la parole. À l'origine de la gynécologie, la torture des femmes. Les femmes? La torture des femmes noires. Alors, connaissez-vous le spéculum? Il s'agit d'un outil célèbre et indispensable en gynécologie. Il fut créé par James Morion Sims, un homme misogyne, raciste et violent, considéré comme étant le père de la gynécologie. C'est quoi? Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, nous sommes dans les années 1800, en Alabama, États-Unis. Un jour qu'il traitait une patiente s'étant déplacée l'utérus lors d'une chute à cheval, une idée germa dans l'esprit de James Marion. Il faudrait pouvoir inspecter l'intérieur de l'intimité féminine. Et qui mieux que les femmes noires, rabaissées, déshumanisées et censées pouvoir supporter grand nombre de souffrances pouvaient remplir ce rôle. Qu'à cela ne tienne, il acheta des esclaves qu'il gardait captives dans sa clinique privée. Souffrance après souffrance, expérimentation après expérimentation, les malheureuses cobayes étaient examinées et opérées sans anesthésie. Il pouvait ainsi créer ses outils et exposer la nudité de ses femmes à ses confrères. Après un accouchement très douloureux et difficile, ayant duré 3 jours, Anasha se retrouva entre les mains du docteur Sims. Elle souffre de déchirures et fissures qui entraînent de l'inconscience. Ayant passé un accord avec son maître, Sims obtient qu'Anasha devienne son cobaye. Dès le début, l'opération qu'il lui administre échoue, causant encore de plus de douleurs. Après plus de 30 lourdes opérations, la technique est au point. Il peut guérir ce qu'on appelle aujourd'hui la fistule vésico-vaginale. Grâce à ses tortures sur le corps des femmes noires, Sims est devenu un chirurgien très réputé, président de l'American Medical Association, membre de la New York Academy of Medicine. Plusieurs statues de lui furent érigées. Il serait bon cependant que l'histoire n'oublie jamais que les fondements de la gynécologie moderne sont la douleur des femmes noires esclaves. Voilà, je crois que c'est bien dit. Première réaction, je vois quand tu disais justement, tu faisais des grimaces. Pourquoi la sœur, hein? C'est surprenant. Vous êtes dans le corps médical. Avez-vous déjà eu à comprendre ces choses que nous allons lire là maintenant? Personnellement, je ne savais pas ça en fait. C'est écœurant. Je ne savais pas, je ne sais pas comment. L'auteur de cet article que tu viens de lire conclut en disant qu'il est important que les gens sachent que l'origine donc de la gynécologie, du moins parlant de la gynécologie moderne, c'est la douleur des femmes noires. À la lecture de cet article-là, qu'est-ce que tu penses? Et cet homme, il est dit dans l'article que plusieurs effigies de lui ont été, les monuments ont été effigies. Il était le président donc de l'Afrique. Vous pouvez donc faire la recherche. Je crois que vous avez vu les références qui sont écrites. Quelle est, à la lecture de cela, qu'est-ce que tu penses en tant que médecin déjà? En tant que médecin, vraiment, comme Cyril dit souvent, je crois que la médecine au final, c'est vraiment la sorcellerie. Oh. Frère Cyril, allons-y. Quelle lecture faites-vous à chaud comme ça de ce que nous venons suivre là maintenant? Bon, vraiment, c'est assez cruel ce que ces gens, ou bien je ne dis pas ces gens, ce monsieur a dû faire pour Dr. James avancer Steve. La gynécologie, ou bien pour poser les formes de la gynécologie, pour ce qu'elle a aujourd'hui. À la vérité, il faut un peu nuancer ça, parce que sinon, on risque de tomber dans le piège des gens qui passent le temps à raconter que les chrétiens sont venus en Afrique. Tromper les gens, soumettre leur bien, parce qu'ils recevront rien au ciel, alors que la réalité, ce sont des hommes missionnaires qui sont venus envahir l'Afrique d'avoir une voix avec Dieu. Donc, il faut tirer la part des choses. Mais ici, il est question d'un monsieur réputé qui a même été le président de l'association d'American Medicine, donc l'équivalent de l'ordre des médecins. Non, la soeur a tout dit. La soeur, lui-même, c'est un sorcier d'abord. C'est un sorcier. Voilà. Lui-même, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Le moins sorcier. Voilà, c'est un sorcier. Pourquoi il est sorcier? Puisqu'il a découvert ce que vous appelez le spéculum que vous utilisez aujourd'hui, il est tant fier. Découvert, c'est quoi? Sur la conscience des traumatismes, des acharnements, de la cruauté, il a découvert quoi? Frère Yasser. Il a découvert ça à quel prix? Au prix de la souffrance, de l'acharnement, des femmes noires, la maltraitance, des femmes noires. Frère Yassin, la partie intime des femmes qui est délicate et plus assez douloureuse comme des zones déterminées, des nerveuses efficientes. Cet homme-là exerce les charcuteries là-bas, près de 30 opérations sans anesthésie et découvre ce que vous appelez le spéculum maintenant que vous utilisez tranquillement. À la lecture de cela, quelle impression as-tu? Bon, comme les frères et sœurs disent, c'est quelque chose quand tu écoutes, ça fait mal. Là, on ne peut pas dire le contraire. Mais je tiens à souligner ici un point. C'est que ce sont des choses qu'il ne faut pas encourager, mais ce sont des choses même aujourd'hui on voit encore. Ce n'est pas nouveau. Parce que, par exemple, aujourd'hui, ou bien un jour, je me tenais là dans l'amphi en tant qu'étudiant, des professeurs d'université, des professeurs s'élèvent et disent, par exemple, que le VIH-SIDA est sorti d'un singe pour atterrir sur un homme. Où ça a marché, où ça a volé, où ça a sauté. Bon, ça c'est une parenthèse. Et là, le cas, dans ce cas d'explication, ça se trouve en Europe. Ces professeurs se racontent ça en Europe ou bien au Cameroun? Oui. En Europe, c'est écrit dans les livres, tout le monde peut les lire. Donc, que le sida vient d'un singe qui a sauté dans une forêt, quitté d'un homme pour quitter du singe pour tomber chez l'homme. C'est le premier machine de sida qu'on a fait. Ou bien on a vu le virus du sida sauter pour arriver chez l'homme. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que même aujourd'hui, on voit même dans nos pays, ou bien où les gens. Parce que tu vois, on doit se poser un peu une question sur les entreprises pharmaceutiques. On te dit qu'avant de sortir un médicament sur le marché, n'est-ce pas, il faut qu'on ait testé ça sur au moins des milliers de personnes. La question que je pose, c'est combien de femmes européennes peuvent accepter qu'on teste ça sur les enfants? Mais ces médicaments-là sont testés sur les enfants. Et ce n'est pas ici là que c'est testé, c'est dans nos pays là-bas. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose. Ah, je profite pour faire un bisou à ma petite. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau sous le ciel. Ce sont des trucs qui font mal, ce sont des trucs qui ne sont alors, pas. Frère Yassine, en entendant parler, on dira par exemple un coup monté entre les instituts pharmacopées qui font créent des virus quelque part pour injecter dans les gens. Enfin, tu voulais prendre le parallélisme entre cet homme-ci qui font des crises de douleurs sur les femmes pour pouvoir inventer les choses et on banalise ça par la suite, quoi. Et on banalise par la suite. Donc, c'est pour dire que ce sont des trucs qui ne sont pas encore morts, c'est encore actuel. Par exemple, même les crises en Angleterre, on te dit que ce sont des gens qui ont fabriqué des virus pour venir donner aux hommes afin de créer maintenant, de créer les médicaments, de créer tout le reste. Donc, ce n'est pas nouveau sous le soleil. Naturellement, c'est quelque chose, comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'il faut combattre, c'est quelque chose qui n'est pas beau à entendre, mais c'est une triste réalité. C'est une triste réalité, ça traumatise. Oui, oui. Donc, revenons donc à la lecture de ces journaux faits par notre sœur. Qu'est-ce que tu as chaud comme ça là, en entendant l'origine de la gynécologie moderne, comment on a évolué, qu'est-ce que ça te fait? Bon, vraiment, ça me, c'est pour. En fait, moi, quand je lis ça, vraiment, c'est d'abord un coup sur les émotions, non, sur le sentiment. Ça dit, oh là là. Mais comme il dit, vraiment, et quand on prend du recul, on se rend compte que vraiment, il ne faut pas se laisser abattre par ça, parce que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça, c'est comme ça, c'est quelque chose que c'est un mal, c'est un esprit qui se balade de siècle en siècle. Ça fait mal, parce que quand je crois que ce sont les années 1800, je crois, non? Je crois que c'est ça, non? Années 1800, voilà. Docteur James Speer. Oui, donc ce sont des trucs que même aujourd'hui, on voit. Même aujourd'hui, donc vraiment, ça fait mal, c'est brutal, c'est très brutal. Et bon, c'est brutal, et c'est une brutalité qui persiste jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La sœur Monique, tu as suivi la sauce leurrée. La sœur Monique, qu'est-ce que tu en dis? On a dit que c'est sur vous, les femmes africaines. Les femmes noires qu'on a essayé, on a charcuté tout votre jardin, débroussé tondre vos jardins pour pouvoir expérimenter pour arriver au spéculum qu'on a aujourd'hui dans la gynécologie. Avec le peu de connaissances que Dieu me permet d'avoir aujourd'hui, bon, comme le frère a dit, on se rend compte que c'est un esprit qui n'est pas nouveau, quoi. Qu'est-ce que ça a été avant? Peut-être qu'aujourd'hui encore même ça se passe, même si on n'en parle pas vraiment. Mais moi, quand en regardant ça, je me suis dit, aïe, quand je n'étais pas encore chrétienne là, Et j'aurais versé une tonne d'insultes sur la tête de ce monsieur-là. Surtout qu'il s'agit des femmes noires. Donc, ça fait mal, vraiment. Mais on pourrait quand même dire que l'expérience a produit, a permis à la médecine de se développer et aider les femmes aujourd'hui. On pourrait dire que c'est un mal pour un bien, pour beaucoup de bien. Franchement, à ça aussi, il pouvait penser fabriquer des poupées et faire ses expériences dessus. La poupée n'aurait pas quand même mal, puisque ce n'est pas la réalité. Il fallait une poupée. Ça ne veut rien dire. Franchement. Voilà. On continue notre exploration. Frère Yassine, je te pose la question. La gynécologie, peut-on faire la gynécologie autrement? Peut-être, c'est-à-dire qu'un médecin, un chrétien, un homme chrétien, peut-il consulter une femme, que ce soit une femme chrétienne ou pas, peut-il ne pas s'essouiller les pensées? Est-ce que c'est possible qu'il le fasse sans s'essouiller les pensées, ni de façon comment on peut? Et a-t-il le pouvoir de protéger sa pensée de ces images? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Bon, au fait, a-t-il le pouvoir de protéger sa pensée? Aïe, ça c'est difficile. Un gynécologue, c'est difficile. Il peut s'habituer de sorte à ce que son corps peut-être ne réagisse plus comme au début. Mais tu ne peux ne pas suivre ta pensée. Parce que ça reste là, c'est ancré là. Et juste une petite histoire pour peut-être passer la parole à quelqu'un d'autre. Parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de tout pas préparé. Parce que ce que tu vois, c'est tu as vu. C'est-à-dire quoi? Ce que tu vois, tu as vu. C'est-à-dire quoi? Qu'on ne peut pas effacer cela. C'est-à-dire que tu ne peux pas effacer. C'est garder là quelque part. Ça veut dire que. Ça veut dire que, au fait, je vais prendre un peu un exemple banal. Il y a des histoires, on a marché, et Dieu nous a enlevé de certaines voies par sa grâce. Je vais prendre un exemple simple, n'est-ce pas? Il y avait des garçons qui disaient la chose suivante. Quand il est couché avec sa copine et qu'il n'arrive pas à avoir une érection, et qu'il a marché peut-être comme ça, il a regardé, ils étaient par exemple au pique-nique ou bien ils étaient fait n'importe quoi, il a regardé le corps d'une fille, donc c'est l'image d'une autre fille qui vient dans sa pensée, et c'est là où il obtient une érection pour pouvoir coucher avec sa copine qui est là. C'est terrible ça. C'est pour dire quoi? Pardon? C'est terrible. Oui, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ça, c'est dans la pensée, tu ne peux pas l'enlever, c'est là. C'est vrai que peut-être, avec le temps, ton corps ne réagit pas, mais tu risques de poser certains actes et tu te demandes que mais ça vient d'où? Alors que ce sont les images-là que tu as accumulées en toi, un excès de pieds écartés que tu as dans ton esprit qui te pousse à poser certains actes. Et un peu, je vais raconter une histoire, juste en une parenthèse. C'est une femme et un homme, les deux sont gynécologues et ils ont une clinique ensemble. Et la femme, c'est la femme qui t'envoie vers son mari pour que ton mari t'examine. Donc, c'est pour dire ça, ça c'est une parenthèse. Mais pour revenir à ta question, tu ne peux pas être souillé vraiment. Tu ne peux pas. Ça reste dans ton esprit. Mais comme je dis, peut-être ton corps à un moment ne réagit pas d'une certaine manière. Mais à mon avis, ça reste dans le gynécologue reste vulnérable même s'il veut faire son métier selon la déontologie et la règle d'art de ce métier. Oui, ça reste. C'est quelque chose qui reste dans ton esprit. Merci pour naturellement, comme j'ai dit, n'est-ce pas, au départ, ça suscite des réactions corporelles et physiques. Mais avec le temps, tu t'y habitues et le corps certainement ne réagit plus de cette manière. Ou bien, tu peux fixer ta concentration sur autre chose, mais ça n'empêche pas que ce que tu as vu. Oui, justement, comme nous avons lu dans plein d'articles concernant la gynécologie, que les médecins ont trouvé des tactiques pour vouloir faire une fixe par leur regard sur les patients, ou bien s'évertuer à laver les mains deux fois pour pouvoir déjouer la gêne que ça cause sur leurs patients par rapport au déshabillement. Mais il n'en est même pas moins qu'il doit devoir voir la vulve, voir les petites lèvres et autres, les clitoris, et puis sonder avec les yeux bien focalisés là-dessus. N'est-ce pas, mon frère? Exactement. Merci pour ta franchise. Tu es vraiment un homme en blouse blanche. Le frère Cyril. Ton frère et ton collègue dit clairement que pas moyen d'échapper, il n'y a pas possibilité qu'un médecin gynécologue puisse avoir une pensée pure en voyant des femmes nues à répétition. Es-tu de son avis? Un Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 18, fuit l'immoralité sexuelle, fuit l'impudicité. Quelques péchés qu'un homme commette hors de son corps, mais quiconque commet l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. La Bible nous rappelle que qu'il faut fuir. Ça veut dire que de façon notoire, il n'y a pas de combat possible. Ça veut dire si ton regard, ta pensée exposée à l'immoralité sexuelle, qui consiste dans ce cas avoir une femme nue, alors il est impossible pour toi de faire autre chose que de commettre l'immoralité sous toutes ses formes. Si c'est la Bible qui a raison, comme la Bible dit dans Romains chapitre 3, alors que Dieu soit véridique, tout en mentant. Si ce n'est pas le cas, on continue à spéculer. Parce que il est impossible pour quelqu'un d'avoir son regard plongé chaque jour dans les encrejambes de quelqu'un, enfin des femmes. Il dit qu'il va rester indifférent. Ça, c'est vraiment c'est de n'importe quoi. C'est vraiment de n'importe quoi. C'est pour ça que la Bible demande de fuir, justement. Joseph qui était tenté par la femme de Potiphar, n'est pas resté là pour dire que non, je vais un peu essayer de voir. Donc, après, c'est juste toi-même que de penser que tu vas continuer à rester là, à plonger ton regard entre les encrejambes et dire que non. J'ai fait mon travail, ça c'est trop pour soi-même. Ça, c'est le frère Hassan. En fait, je ne peux que répéter ce que le frère Hassan a dit. Parce que ça, c'est trop pour soi-même. Verdict sans appel par celui qui tient les eaux de la terre avec pour appellation normale Cyril. Cyril, celui qui tient les eaux de la terre avec ce prénom danois. L'homme aux caractéristiques divers est un être secret et passionné, capable de faire changer d'opinion les autres avec facilité, tant il peut être actif, il est aussi obstiné et sérieux, pouvant même devenir ennuyé. Il n'a pas ennuyé tout à l'heure. Le frère Cyril a balancé exactement ce que son confrère a dit de la blouse blanche à la sainteté. Il a dit clairement que si vous exercez dans la gynécologie, il ne faut pas se tromper. Vous allez faire ce que l'un Corinthiens chapitre 6, verset 17 le dit. Fuyez les mortels sexuels. Si vous ne fuyez pas, vous êtes en clair, vous avez construit, vous avez passé votre temps dans l'étude. Je prends ces propos et j'interprète. Vous avez passé votre temps dans l'étude pour pouvoir aller commettre l'immoralité sexuelle. Donc, d'après ce que Cyril a dit à ses collègues médecins, écoutez très attentivement, votre collègue Cyril, l'homme qui tient les os de la terre, dit, si vous avez étudié en gynécologie, vous avez fait 12 ans dans la gynécologie, vous avez fait 12 ans d'études de l'immoralité sexuelle à entraîner votre esprit à commettre l'immoralité sexuelle. Et il dit, en citant la Bible, que vous devez fuir. Et qu'il a dit clairement, en étant clair, que seul Dieu soit pris pour vrai et tout homme menteur. Et c'est sans appel, dont tous les gynécologues sont des immoraux. La sœur Reine, que penses-tu des propos de ces deux hommes qui sont virulents entre eux-mêmes, les hommes? La Bible dit Amen. Amen. Qui pourrait dire mieux qu'Amen? Alors, avant de rebondir sur la deuxième phase de la question, je crois que la sœur Claudia voudrait aussi réagir. La sœur Claudia, peut-on faire ce métier? Peut-être qu'on peut avoir une opinion expert, quoi, différente. Peut-on faire ce métier-là sans commettre l'immoralité sexuelle, proprement dit? Mais en toute logique, non. Je m'aligne seulement derrière les autres. Hein? Donc, c'est une démocratie à 100%, quoi. C'est ça. Alors, je reste avec toi pour poser le deuxième volet de ces questions, de cette question telle que je viens de poser au frère Cyril avant que nous touchions dans la Bible, parce qu'il a touché un des versets bibliques qui concerne ces cas-ci. Parce qu'il va falloir qu'on nous réponde à la grande question. Est-ce que voir le corps des femmes nues qui n'est pas ta femme est-il un péché? Si c'est un péché, Alors on va avancer dans ce domaine-là. C'est là où nous allons sortir dans cette émission-ci. La deuxième partie de la question, la problématique sur la fornication et les péchés visuels en milieu hospitalier. Et le cas des gynécologues est plus pointé du doigt parce que ce sont les gars qui vont droit au but. Ils vont droit au but comme enseigne. Alors maintenant, le frère Yassine a dit tout à l'heure que quand tu vois, c'est stocké. Quand tu vois déjà, tu as vu. Pour le citer. Alors je pose la question. Alors quelles sont les répercussions de ces images et pensées stockées dans l'âme, le corps de l'homme et dans ses pensées? Quelle est la répercussion pour que les gens puissent comprendre la gravité de la chose qui se jette à l'eau? La sœur Monique, je suis avec toi. Ah, des répercussions au niveau de tes relations avec Dieu là. Pour les chrétiens. Oui, non, nous parlons d'eux. On a tracé les frontières. Le frère Yassine nous a dit de le départ, il faut définir les frontières. On a défini que nous parlons de chrétiens ici. Oui. Tiens. Ça a des répercussions sur les relations entre la personne et Dieu. Entre la personne, cet homme-là qui exerce ce métier. Oui. Et Dieu. Parce que forcément, comme ils ont dit, l'image non seulement elle reste stockée. Oh, il y a des choses qu'on ne prévoit pas. Tu vas te limiter au fait que tu as juste vu, c'est passé, et puis dans la nuit, tu te retrouves avec cette même femme-là dans tes rêves. Oui. Et là, ça va à plus que la consultation que tu faisais. Oui. Ouais. Voilà, comme nous allons voir dans le cadre de la deuxième lecture de cet enseignement, si je reste avec toi, Rassé Monique, puisque la dernière fois, dans la première partie de l'émission, tu nous parlais de ton exercice, entre guillemets, de l'andrologie des vieux papas. L'andrologie du vieux papa dans la vieille maison de papy. Quand tu l'avais, que tu l'avais jusqu'à cette partie-là, quand tu rentrais, quelle était la répercussion de cette image-là en toi, dans ta propre vie, pour le cas d'expérience personnelle? Aïe. Mais si la question est difficile, on passe la main à l'autre. Non, ce n'est pas difficile. Je vais être très honnête. Vraiment, comme je disais la dernière fois, ce que moi j'ai ressenti pour ces gens-là, c'était beaucoup plus de la compassion. Je ne comprends pas parce que peut-être parce que tu étais dans l'andrologie des vieux papas. Si tu avais été dans l'andrologie des jeunes garçons avec le muscle, avec le ventre, avec le plaquet de chocolat, tu aurais pensé autrement. Non, mais quand tu es dans ce métier-là aussi, frère, il y a des centres où ce sont des enfants, des jeunes enfants, il y a des états où sont des enfants handicapés. Oui, que le parent est venu de cela. Toi, la proposer, tu dois t'en occuper. Tu laves jusqu'à laver la partie intime, de la partie intime. Oui, bon, mais Dieu merci, si ma mémoire est bonne, quand il fallait laver, le monsieur qui me coachait, c'est lui qui l'avait. Il me laissait plus regarder comment ça se passe. Le Seigneur a protégé notre bien-aimé soeur comme il a protégé Abimelech, ne pas pécher contre lui. En touchant la femme d'Abraham. La sœur Reine. Rebonsoir. Rebonsoir. Que le Seigneur te bénisse parce que c'est toi qui as relevé ce thème-ci ô combien important pour éclairer les chrétiens et les chrétiens dans le monde entier. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, je reste avec toi, avec tout ce que nous avons développé dans la première partie de l'émission et maintenant. Quels sont et c'est le frère Yassine qui a suscité ces questions, si puis je le noter là. Il a dit que quand on a déjà vu, on a vu et l'image reste là. Alors la question que je pose derrière, c'est quelle est la suite après avoir enregistré cette image-là dans l'homme? La suite, c'est ce qu'il a aussi dit tout à l'heure. La suite, c'est voilà, on peut se retrouver en train de pécher avec soi-même inconsciemment. Oui, on peut, comme il disait tout à l'heure, on peut s'adapter à regarder ça au point où ça ne nous fait plus rien. Initialement, c'est difficile. C'est difficile. Il faut être honnête, c'est difficile d'examiner une femme sans avoir certaines pensées. Après, on peut s'habituer, mais une fois qu'on les a enregistrées, ça reste quelque part et on peut l'utiliser pour n'importe quoi. Involontairement, on peut l'utiliser. Consciemment, que ce soit inconsciemment, on l'utilise. Oui. Cette capacité d'adaptation du corps ou bien de l'homme à toutes les choses, y compris les douleurs extrêmes, qui finit par s'y habituer. Mais nous voyons effectivement que dans la conformité de mariage, l'homme continue toujours à connaître sa femme jusqu'à l'âge poussé. Ça suppose qu'il continue toujours à avoir des pensées, puis être en érection, bien qu'il connaisse déjà le corps de sa femme. Alors, ne pourrons-nous pas dire justement de la même façon, même si les pensées sont obsolètes à l'intérieur de lui, il n'en demeure pas moins que ses pensées travaillent en fond, exactement comme des applications qui travailleraient derrière l'appareil sans être en avant-plan, mais travaillent en arrière-plan sans que la personne ne soit consciente de ces différentes applications qui sont en veille à l'intérieur de lui. Bien sûr, bien entendu, c'est pour ça qu'on dit que soit consciemment ou inconsciemment, il l'utilise de toute manière, ça travaille. Ça travaille, c'est comme il y a des hommes mariés aussi qui regardent la pornographie, donc oui. C'est pas pour rien qu'il ne va plus vers sa femme, parce que oui, il y en a peut-être qui ne le font plus, mais en fait c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de différence entre le gynécologue qui pratique ça et celui qui regarde la pornographie, parce que ça a le même effet en fait. Et toi-même maintenant, avec tout à l'heure dans au milieu de cet enseignement, tu nous as dit que quelqu'un a débarqué là-bas, un noir débarqué avec son truc tendu qui veut pisser. Tu as arrêté ça pour l'aider à pisser. Dis-nous, qu'est-ce que cette image sont devenues? Personnellement, je ne l'ai pas arrêté d'ailleurs. Mais c'est resté. Hein. C'est resté. Si je le vois, je vais le reconnaître, ce monsieur. Et quand tu vas le voir, qu'est-ce que tu vas penser? Non. Je vais rien penser, mon frère. Parce que tu sais déjà ce que tu vas penser, quoi. Tu ne dois rien penser. Des uns stop, encore une interruption de la connexion. Nous allons y revenir encore. Une fois et plus, rebonsoir. Nous allons passer droit, avant que la connexion nous joue un sale, nous allons passer droit à la deuxième lecture de cet enseignement. Notre Seigneur bien-aimé va nous lire la deuxième chose qui sera proposée maintenant à l'écran. On y va. Ça, c'est mon prénom qui est fou, là. Donc, l'homme a abusé de nous et il exerce toujours. Alors, à Alès, en septembre 2014, le docteur Z a mis en examen pour 5 viols aggravés. Deux de ses victimes ont accepté de se confier dans l'attente d'un éventuel procès. Longtemps, elles se sont tues. Si Anita et Sandrine ont décidé de parler, de sortir du silence et de la honte, c'est d'abord pour partager leur douloureuse expérience et surtout pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Anita. Une jolie cadra d'origine marocaine est maman de deux enfants. En 2005, elle quitte Aix-en-Provence pour suivre son mari, muté à Alès, à 150 km. Elle demande alors à des connaissances de lui conseiller un gynécologue. Le plus réputé, c'est le docteur Z. Lui répond-on. En toute confiance, elle prend un rendez-vous. Dès le début de la consultation, il était froid, autoritaire et tentait d'exercer une forme d'emprise sur moi. Pendant l'examen, il m'a pincé les mamelons, puis il a opéré une pénétration vaginale désagréable et bizarre. Je me suis rhabillée et je suis sortie en courant. Il nous a détruit, moi et ma famille. Très perturbée et honteuse, Anita ne répond pas aux questions insistantes de son époux qui s'inquiète de la réaction de sa femme. Avec son 1m95 et ses 110 kg, son mari n'aurait fait qu'une bouchée du docteur Z. Un petit bonhomme de 61 ans au costume strict, portant des lunettes et une montre en or plus grosse que lui. Alors je me suis tue, déplore Anita dans le cabinet de maître Sophie Bonneau, son avocate. De retour chez elle, la jeune femme ne cesse de se laver encore et encore. C'est seulement à l'apparition de témoignages d'autres victimes du médecin en janvier 2014 dans un article de Fabrice Andresse du Midi Libre qu'elle réagit. Voir que certaines femmes sont accusées de mentir, lui est insupportable. Entre-temps, 9 ans se sont écoulés. Anita a sombré dans la dépression, a cessé de travailler, elle était secrétaire, et a grossi de 20 kilos. Il nous a détruits, moi et ma famille, conclut-elle. Là, il m'a violée, sur le tapis devant son bureau. Pour Sandrine, une jeune femme de 34 ans, au regard azur, le docteur Z aurait commis l'impensable au bout de 10 ans de visites régulières. Je l'ai consultée pour la première fois lorsque j'avais 20 ans. Sa réputation était très bonne, notamment pour les problèmes de fertilité. Je suis d'ailleurs tombée enceinte peu de temps après. Je savais qu'il avait l'habitude de mettre une petite tape sur les fesses quand on allait à la poser, donc je ne m'étais pas focalisée là-dessus. Mais, en repensant à certaines de ces questions, elle était particulièrement vicieuse. Vous savez que l'adultère est très bon pour le couple. Voilà. Je peux vous présenter les amis. Vous arrive-t-il de vous masturber? En 2007, tout bascule. C'était un vendredi soir à 19h. Il n'y avait plus personne dans la salle d'attente, ni au secrétariat. Lors de l'examen, il s'est approché de moi. Il m'a caressé le front, a fait descendre son index le long de mon nez, puis a mis son doigt dans ma bouche. J'ai compris ce qu'il voulait faire. Alors je lui ai parlé de sa femme. Il m'a répondu d'une voix douceuse. Ma femme, c'est mon problème. Pourquoi je ne vous plais pas? Il m'a allongé sur le tapis. Je me suis vue morte. Sous son emprise, j'étais paralysée. Là, il m'a violée sur le tapis devant son bureau. Puis, tout en se rhabillant, il m'a dit, « Madame, il ne faudra pas en prendre l'habitude. » Comme si j'avais provoqué cette situation. Il a entrouvert la porte et je me suis enfuie à toutes jambes. Arrivée chez elle, Sandrine se lave jusqu'à irriter sa peau. Mais elle aussi se tait. Petit à petit, elle se renferme en elle-même et surprotège sa fille. C'est son compagnon, en mars dernier, qui la convainc de porter plainte. Pour sa défense, le docteur Z affirme qu'il ne connaît pas Sandrine. Quant à Anita, il nie un quelconque abus, arguant qu'il n'a fait que son métier. Mise en examen, puis libérée. contactée par la rédaction, Maître Isabelle Ninran, l'avocate du Dr Z, explique. Il y a une accusation de viol, mais c'est son ancienne maîtresse. Pour le reste, il n'a fait que des actes médicaux dans des conditions normales. Le 9 juillet 2014, le Dr Z, toujours présumé innocent, a été mis en examen pour 5 viols aggravés avec interdiction d'exercer la gynécologie. Mais, un mois plus tard, coup de théâtre, l'interdiction est suspendue. Un affront pour Anita et Sandrine. J'ai tout de suite appelé une ambulance. J'allais faire une connerie, confie Anita. Si je devais noter ma douleur à ce moment-là, sur une échelle de 0 à 10, je dirais 9,5. Explique Sandrine. Dans l'attente d'un éventuel procès, les deux femmes experts que d'autres victimes n'oseront à leur tour briser la loi du silence. Merci ma soeur pour cette lecture majestueuse. Une fois de plus, comme il est de coutume, je te pose directement la question. Quelle lecture fais-tu, quelle interprétation ou bien quel commentaire? La gynécologie avec ses facettes de péché, particulièrement le péché visuel, la fornication. Là, je suis encore sur le choc. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. C'est juste incroyable. Franchement, je passe la parole parce que là, ça me... Ok, donc, c'est choquant. Pour ne pas faire de bêtises comme Anita et Sandrine, pour ne pas être appelé à l'ambulance, on passe la parole à la sœur Monique. Sœur Monique, tu as la parole. Je signale que ton micro est fermé. Si tu en as de parler et ta vidéo, nous ne la voyons pas. Je crois que la sœur Monique est sous le choc au point peut-être de pleurer comme Anita. Voilà. Vous voyez, c'est miné. Elle a écrit là-bas que c'est miné chez elle. Donc, elle écoute à distance. Le frère Yassine, commentaire. Bon, ça c'est encore une fois de plus une expression satanique de l'être humain. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? C'est un acte abominable. C'est un acte abominable. Et au fait, ce n'est que le résultat d'une succession le fait d'avoir tellement, n'est-ce pas, vu ces femmes-là, regarder leur vagin, faire tout ce qu'il a, tu vois, ça lui, comment dirais-je, ça lui procure, ça veut dire que c'est comme s'il a fini par animaliser la femme. C'est pour cela qu'il peut poser un acte si animal, au fait. Et bon. C'est vraiment dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais. Frère Cyril. Albert Einstein disait que le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Anita et Sandrine, que ce sont les noms d'emprunt sur ce site closeupmag.org, donc nous avons une livre, vient de lire l'extrait. Ils ont décidé de briser le silence et dans les portes, en portant plein d'œil, ils essaient comme ça, puisque d'après les pensées qui s'y trouvent, le monsieur a exercé pendant de longues années. Et c'est sur 10 ans qu'on a commencé à avoir 5 cas de viol. Ça veut dire qu'en toile de fond, ce sont les gens qui se sont fait remarquer. Donc, il y a des gens dedans qui ont décidé de garder le silence. Et donc, Albert Einstein dit que le monde, ceux-ci qui gardent le silence, ce sont ceux qui laissent le monde se détruire. Et donc, nous, ici à Bambaïba, sur quoi, Blues Blanc de la Sainteté, nous avons décidé de briser ces péchés, ce silence que les gens, ces péchés que les gens commettent en silence et en se mourant, étant avec la blouse blanche. Quelle lecture fais-tu à l'issue de cette lecture faite par elle? Mais la fois on a principe pour dire, ce qui m'attire encore l'attention, c'est, et je pense qu'on va devoir peut-être se pencher sur la question également, c'est le statut d'avocat. C'est le statut d'avocat et la compatibilité avec la crédibilité, non, déjà. Parce que lorsqu'on décide de, ça veut dire, de défendre les droits même des sorciers. En fait, nous, on est un sorcier. Quand je vois l'avocat de la dame, en fait, du monsieur, dit que l'une des plaintes venait de l'une de ses maîtresses, elle n'a pas déjà honte, dit que le monsieur est maîtresse, et que les autres plaintes sont du ressort, enfin, c'est le ressort des actes médicaux posés dans la légalité la plus absolue. Ça veut dire que c'est terrible. Dans le cas du monsieur, même, je n'ai même pas de terme pour expliquer ça. C'est l'avocat qui a maintenu mon attention encore davantage pour dire que non seulement le monsieur fait du n'importe quoi, mais il y a encore des gens même pour encore consulter ce qu'il fait au point que la suspension est même levée et qu'il va continuer à se livrer à ces actes macabres. Vraiment désolé pour ceux qui se plaignent souvent qu'il n'y a pas de la sorcellerie, mais ça c'est la sorcellerie. Donc ce monsieur également de 61 ans en 2014, il est sorcier. Non, le frère Yassine, permettez-moi de citer l'un des grands esprits des cadres de la physique, Albert Einstein, qui disait une fois de plus que deux choses sont infinies, l'univers qui est infini et la bêtise humaine. Mais il disait dans la suite de la phrase qu'il n'est pas sûr de l'univers qui soit infini. Donc il n'a pas dit quoi que ce soit par rapport à la bêtise humaine. Pour dire en clair, il est tellement sûr qu'il y a la bêtise chez les hommes. Dans le côté humain, il y a de la bêtise et que c'est infini. Voici, tout à l'heure, nous étions de le développer et nous avons vu comment, dans cet article, à l'âge de 61 ans, à l'espace de 10 ans de visite, l'homme n'a pas s'est pas habitué de ses patients, mais il a continué à faire son acte macabre et réputé comme un médecin spécialisé et reconnu par tous dans cette région-là de l'Europe comme étant le meilleur, mais le voilà. Si ces actes ne sont pas dénoncés, on dira que non, le gynécologue, lui, il est un bon patient, il est un bon médecin, n'est-ce pas? N'est-ce pas la bêtise humaine supplantée là, mon cher? Oui, ça c'est clair, ça c'est la bêtise. Au fait, comme tu dis, même quand tu as dit il s'est habitué, non, disons que ces actes ont porté un fruit. Parce que c'est au fait ça qui s'est matérialisé, au fait. Ce que d'autres gardent intérieurement, chez lui, ça s'est manifesté physiquement. Et comme le frère Cyril touche bien, quand quelqu'un dit que, quand elle dit qu'elle a une maîtresse qui a porté une accusation de viol, ça veut dire que le monsieur est susceptible, c'est-à-dire qu'il a une disposition à ça. Et c'est pour lui-même, pour ce cas-ci même, c'est certain que ce monsieur a déjà violé l'une de ses patientes. Au moins l'une. Au moins, parce que nous avons vu le cas de deux, quand il est accusé de cinq, sans compter ceux qui sont dans le silence. Voilà. Donc, si sa maîtresse l'accuse de viol et que l'avocate explique que, elle dit qu'elle a contacté la rédaction, la maîtresse Isabelle Miram, l'avocate du docteur, explique qu'il y a une accusation de viol, mais de sa maîtresse. Donc, le mais là, signifie que c'est comme si elle dit que ce n'est pas grave. Son ancienne maîtresse. Donc, ça signifie que si monsieur a des prédispositions pour poser des actes de ce genre. D'où vient cette prédisposition? Et qu'est-ce qui accentue cela? C'est ce que je suis en train de dire, que c'est le fruit de ce qu'il a, de ce qui a été semé en lui depuis longtemps. Qui a été stocké, comme tu disais en première partie. Exactement. Et c'est de ça que ça vient. En résumé, par rapport à ces pensées, pour qu'on soit plus clair. D'après ce que tu en as dit, mon cher, tu en as dit que ce médecin a extériorisé sa part de stockage. D'autres personnes le vivent différemment. Exactement. Il y a d'autres personnes qui peuvent rentrer se masturber en silence, d'autres personnes qui l'exercent sur des jeunes enfants, alors que d'autres personnes le font, comme on a vu là, violer. Je crois que nous avons encore des problèmes de connexion là. Nous avons encore des problèmes de connexion le temps que ça se stabilise. De retour. Alors, avant que ça n'aille encore à cette petite pause d'interruption de connexion, je voulais résumer la pensée de notre frère Yassine. Yassine disait dans ses pensées que tout à l'heure, avant que nous lisions ce document, il était question des images, comme il avait pour le citer, quand tu as vu, tu as vu. Ces images sont stockées. Et maintenant, il continue dans le développement en disant que cette thème ici a extériorisé, pour parler de Freud, que ce docteur s'est extériorisé ce qui était en lui. Et donc, beaucoup de personnes, dont beaucoup de médecins, dont vivent, le vivent différemment. D'autres vont se masturber, d'autres vont avoir à décharger des fluides de folie sur beaucoup de d'autres, c'est des jeunes filles. Enfin, dans le monde entier, c'est connu. D'autres vont aller coucher sur les hommes pour pouvoir assouffler leurs fantasmes. Mais on ne met pas moins que ce sont des choses qui ont été stockées dans l'espace et saturées. Il faut vider la corbeille. Et pour revenir encore, continuer à faire la sale besogne. Ce soir, nous posons la problématique sur comment concilier la vue des images enregistrées dans les pensées par les pornographes médicaux, journalièrement par les médecins gynéco-chrétiens, et la vie sainte de ceux-ci dans leur marche telle que prônée par les Saintes Écritures. Et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, dans cet enseignement, nous avons vu et nous continuons à voir que ceci doit mettre en lumière la vie des péchés sous silence de nos frères, les médecins gynécologues. Et Blues Blanche dans la sainteté, pour une fois, se penche sur ces cas qui fâchent dans le cadre des métiers des hommes en blanc. Ce soir donc, nous rencontrons et nous avons croisé le chemin pour la deuxième fois de ces gens-là qui passent le temps à tripatouiller l'intelligence féminine et les contours de leur jardin secret réservé aux hommes qui est leur délice. Nous continuons la suite de l'histoire. La sœur, je te pose la question. Et si les hommes chrétiens deviennent des eunuques, pouvaient-ils exercer, pourraient-ils donc exercer le métier de gynécologue en toute quiétude? Mais non, le but c'est pas ça. S'ils deviennent eunuques, non, c'est pas possible. Puisque la problématique ici c'est le péché, la fornication visuelle et le péché sexuel en milieu hospitalier. Et un eunuque n'aura pas des sensations sexuelles, il sera exactement comme quelqu'un qui regarderait à un autre partenaire du même sexe. Et par conséquent, s'il est eunuque, il n'aura pas des attouchements, le désir d'attouchement sexuel, puisque la testostérone et autres là-bas seront détruits et on ne pourra pas ressentir toutes ces choses-là. Ne serait-il pas une bonne idée pour les chrétiens qui sont les eunuques, puisque notre Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu qu'il y a des eunuques qui le sont le plus ventre de leur mère, que ceux-ci particulièrement exercent le métier de gynécologue pour pouvoir trouver à aider nos sœurs? Ne serait-il pas une solution? Non. Pourquoi? La Bible est claire. Je dis qu'il ne faut pas regarder. Tu ne regardes pas trop. Ouais, c'est tranquille. Oui. Je note ta réponse. Je connais la c'est biblique, mais c'est long. Oui, je note ta réponse. Il ne faut pas regarder. Alors, frère Yassin, je te pose la même question. Ne faut-il pas que les frères qui sont des eunuques réputés et reconnus comme tels par les Écritures et par la vérité du Saint-Esprit exercent le métier de gynécologue pour aider nos sœurs? Je crois que son micro est fermé. Je pense que la réponse a été donnée, non, par le frère Cyril. Quand il a dit, je crois que c'est 1 Corinthiens 6, 18, où il a dit fuyez. On n'a pas dit aller faire les plans contre eux, ou bien continuer, ou bien chercher à esquiver. Fuyez. Mais l'énigme ne commettra point de péché, même si la femme s'habille de se déshabille nue au devant de lui. Pas vrai, ni pas penser, puisqu'il n'a pas de pensée pour voir comment, il ne sait pas, il peut imaginer comment faire, puisqu'il est inapte. Bon, je n'ai jamais été nu, donc c'est... Je ne sais pas comment ces choses se passent. Le frère Cyril. Oui, frère. Alors, comme solution pour les frères qui sont en Christ aujourd'hui, ne serait-il pas bien que ceux, déjà que les eunuques sont très très très très difficiles, parce que le monde sexuel aujourd'hui est à tous les niveaux. Ne serait-il pas bien que les frères qui sont les eunuques viennent alors à entrer dans le cadre du corps des médicales, précisément les gynécologues? Oui, mais en quoi constituerait-il une exception? Parce que de toute évidence, tu sais, j'ai pu remarquer quand ma fille est née qu'on apprend pas aux enfants à téter. On ne la prend pas. Elle est sortie du banc comme ça là. Et 5 secondes plus tard, elle cherchait à téter. Elle commence à faire la bouche comme ça là. Qui lui a appris cela? Il y a certains qui disaient que tout ton corps peut être converti. Sauf ce qui est entre tes pieds là. Ça ne peut pas être converti. Redis ça encore, frère, pour qu'on prenne ta situation. Tu parles, je redis quoi, frère? Redis la citation pour qu'on. Il va vous citer tout à l'heure. Laquelle situation maintenant, je ne comprends pas. La citation. Tout ton corps peut être converti, oui. Je disais que tout à fait. C'est-à-dire que tout ton corps peut être converti. Mais ton membre inférieur qui est entre tes deux pieds là, il ne connaît pas la conversion. Il ne peut pas être converti. C'est-à-dire qu'il faut le mettre au pas. Il n'a pas la conversion. Oui, il n'y a pas de conversion à ce niveau. Donc, c'est pour ça que la nuit demande de fuir. Et il est inutile de s'appeler une coupe ou quoi que ce soit et de vouloir se tromper. De toute façon, à ce qui me concerne, je n'encourageais personne à s'exposer. Hein. Donc voilà, c'est ce qui me concerne. Quoi. Oui. Je cite le frère Cyril à tous les médecins du monde entier. Tout ton corps peut être converti. Sauf ce qui est entre tout ce qui est tout ton corps. Frère Cyril, tu ne veux pas que je te cite, c'est toi qui l'as dit et c'est bien entendu. Tout ton corps peut être converti. Mais ce qui est entre tes deux jambes ne le peut pas. C'est-à-dire que c'est pour cela que la Bible déclare de fuir seulement parce qu'il n'y a pas de maîtrise là-bas. Ça suppose que la personne ne peut pas être chrétien. Que tu sois chrétien ou pas, ça n'entend pas les versets bibliques. N'est-ce pas, le frère Cyril? C'est ce que tu voulais dire. En fait, ce n'est pas moi qui dis, c'est même pas moi qui a apporté l'expression. Hein. J'ai l'air des gens qui l'ont prononcé avant moi. Donc, tu n'en es pas l'auteur. Je n'en ai pas l'auteur. Et tu as expérimenté que cette citation est vraie. Non, c'est plus que vrai. Mm-hmm. C'est plus que vrai. Mm. C'est la vérité. Oh, hein. Que le Seigneur vous bénisse. Nous glissons donc dans la pente de l'aspect biblique donc de la gynécologie. Du péché sexuel en milieu de la gynécologie des médecins. La gynécologie est pointée du doigt parce que c'est la maîtresse des lieux, c'est le film pornographique en plein milieu de la médecine en live. Maintenant, première question de l'aspect biblique. Exercer la gynécologie, donc, est-il un péché, oui ou non? Au vu de tout ce que nous avons entendu, analysé et fait. La sereine. Mon frère, oui. Pourquoi? Au vu de tout ce qu'on a dit, mon frère, au vu de regarder, au vu de ce que la Bible dit, fuir le film, l'impudicité et tout, je ne vois pas comment est-ce qu'on va exercer le métier de gynécologue sans regarder ou sans toucher. Ouais. Donc, voilà, au vu de tout ce qu'on a dit, moi je dirais oui. Okay. Donc, le médecin gynécologue, homme-là, je pense qu'il doit faire ses bagages. Hein. Pour dégager. Donc, si vous allez nous écouter maintenant sur Bamba Eba et que vous connaissez la sœur Reine, si vous êtes son ami, sa camarade ou son frère, et que votre père exerce le métier de la gynécologie, et à l'issue de l'argent glané qui vous fait fréquenter et avoir de l'argent ou bien n'importe quelle éducation, sachez que votre ami, votre sœur Reine, est en train de dire que votre papa commet le péché, et c'est à l'issue de cet argent de fornication qui vous envoie à l'école. Le frère Cyril, rebonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère, bonsoir. Des droits au but, est-ce que exercer dans le métier, au vu de tout ce que nous avons vu depuis la première partie de l'émission, est un péché, oui ou non? Si oui, comment? Et qu'est-ce qu'il atteste dans la Bible? C'est vous qui allez faire le métier maintenant pour en présenter cela dans la Bible avec les versets bibliques à l'appui pour que les gens puissent comprendre. Je vais faire un peu de d'honnêteté. Non seulement le métier de gynécologue, enfin, pour ce qui concerne les hommes, frise un peu l'abomination, parce que on est dans le domaine où on passe la journée à plonger le regard dans les entrejambes des femmes de tuer et consorts, et à exposer à toute forme de pensée. Mais beaucoup d'autres métiers aussi du corps, la médecine du paramédical, sont incompatibles avec une vie de chrétienté dans la mesure où on a plus ou moins cette forme d'exposition-là. Donc, ça s'arrête pas seulement à mes frères gynécologues, mais il y a encore d'autres métiers aussi qui sont confinés. Et pour revenir à ta question, pour mes amis, mes frères, mes collègues gynécologues, qui passent toute leur journée à tâter les seins, à faire ceci-là, tout ça-là, vraiment, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Qu'est-ce que tu leur dis donc, mon frère? Quelle est la solution? Tes collègues t'entendent, tes camarades de faculté t'entendent, tes camarades de promotion t'entendent. L'ordre des médecins t'entend dans le monde entier. Qu'est-ce que tu conseilles aux gynécologues hommes? Là, ta soeur, la collègue, a dit qu'elle porte les bagages et dégage. Bon, soit tu peux faire la pathologie, soit tu apprends le taxi. Chercher un autre métier. Donc tu le dis comme ta soeur de dégager. Non, il faut aller chercher un autre métier, ça ne donne pas. Mmh. Je ne sais pas si le terrain, le territoire est déjà nettoyé chez la soeur, chez la soeur Kodia qui doit nous parler. En attendant qu'on la prenne, le frère Yassine. Présent. C'était, est-il un péché? Au vu de tout ce que nous avons étudié dans les deux dernières séances, la deuxième séance, est-ce que c'est un péché d'exercer ces métiers? Si participer bien, bloquer sur les sites pornographiques en direct n'est pas un péché, c'est comme poser ça comme étant un péché. Parce que c'est. Bref, même si ce n'est pas un péché, hein, du moment où on a vu là où ça conduit un collègue médecin, disons que tout homme est susceptible à cela. Donc, il serait mieux pour... Parce que on peut se poser une très bonne question. Quand j'ai un frère ou bien une connaissance, que ce soit masculin ou féminin, femme ou homme, quand je vais l'envoyer chez un frère qui est médecin des poumons, qui est médecin du cœur, je n'ai pas de problème. Mais quand c'est pour un gynécologue, déjà le fait qu'il cherche une femme signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Donc, sur ça même, ce n'est même pas un débat, ce n'est pas une longue discussion. Il y a un problème. Il y a un problème qu'on ne peut pas cacher. D'autres, tu peux même essayer de tourner, mais ça, tu ne peux pas tourner. Parce que c'est que tu as directement les yeux dans le ventre d'une femme en passant par le bas. Donc ce n'est plus une situation agréable. Voilà. En clair, ils commettent le péché. Exactement. Regardons dans l'autre sens. Et cette personne, cette sœur qui part consulter les médecins gynécologues, commettait-elle le péché? Sereine. Oui, mon frère, elle commet le péché. Dis donc clairement aux soeurs qui partent consulter les médecins gynécologues maintenant pour écarter les entrejambes, pour regarder, pour montrer, pour demander à la ce qui se trouve à l'intérieur de ces convertis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour elles aussi? C'est un péché qu'elles arrêtent vraiment d'aller chez ces gynécologues et faire ça. Qu'elles arrêtent. Une fois de plus, la connexion est interrompue. Hope tonight. There is hope because God's promised that he would heal us. I want you to put his word on your lips tonight. Sing his word back to him. And see if his name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, he's your healer. Let's sing it to him. You are the God that healed me. Tu ne portes pas les femmes sur ta moto là. Pourquoi? On sent que tu ne portes pas les femmes sur ta moto. On va arrêter toute la vision au pays ici, vraiment. C'est grave, putain, non. La sœur Reine a dit clairement aux sœurs en crise qui consultent les gynécologues hommes de cesser de le faire de façon radicale. Tu penses bien ce que tu dis ou bien tu dis ce que tu penses, ma sœur? Je pense toujours ce que je dis, mon frère. Je le dis sincèrement, très en fait. Donc, si les sœurs nous entendent aujourd'hui, bibliquement parlant, tu leur dis que consulter les gynécologues est un péché parce qu'ils peuvent exposer son corps. Et la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 que chacun sache garder son corps dans la sainteté. Et par conséquent, exposer la partie qui ne peut pas se convertir, pour citer Cyril, qui va aussi citer quelqu'un d'autre, ce serait de livrer son corps à l'impurité. Donc, elles arrêtent. Autrement dit, les deux personnes qui se rencontrent dans le cadre de la gynécologie pêchent, et le médecin qui consulte et la personne qui donne. Mais oui, parce qu'elle aussi, quand on la touche, c'est pas comme si elle est indifférente. Hein. Oui. On va dire qu'on met le spéculum, ça fait mal. Je suis désolée, mais... D'autres, puisqu'il y a d'autres qui expérimentent les rapports sexuels plutôt dans la douleur, elles peuvent en se enjouer. Mais d'autres peuvent justifier que non, ça fait mal, elle ne gère même pas cela. Mais il n'en est même pas même que quelqu'un l'a touché. Exactement. Frère Cyril, quand Joseph, la femme gynécologue, a voulu consulter l'andrologie de Joseph en Égypte, qu'est-ce qu'elle a fait? Là, justement, non. Il n'a même pas négocié. Il savait qu'il n'y a pas la conversion en bas là-bas. Il est parti. La Bible dit que son vêtement est resté dans les mains de la grande dame. Donc, ça dit que son vêtement, il a dû fuir l'hôpital pour son vêtement rester là-bas. Voilà, il a fui. Donc, la solution, serait. De faire comment? Pour ceux qui doivent consulter le médecin, le gynécologue, ou bien le contraire? Ça veut dire qu'il faut... ça veut dire que tu dois t'arranger à... être géré par un gynécologue femme. C'est tout. Tu vas... Tu vas prendre tes dispositions. Et les gynécologues hommes vont faire comment? Mais les gynécologues hommes, on en parlait là quand ta connaissance est partie là. Les gynécologues hommes vont changer sur le métier, vont faire le taxi, mais n'importe quoi. Oui. Donc tu dis clairement aux gynécologues, ceux qui nous entendent, tes collègues, maintenant de quitter ce métier. Je vais créer un peu une forme de, je sais pas comment appeler ça en français. Bon bref, si lui ne quitte pas, ce qui est sûr, l'enfer est doux. L'enfer est doux. Donc, faut, la route pour l'enfer est assez doux. La route pour l'enfer est assez doux. Voilà. Il faut que chacun. Il faut décider de rester à l'intérieur. Comme je suis votre porte-parole, donc je prends ta bouche pour dire clairement que tu es en train de t'adresser au médecin gynécologue aujourd'hui. Que mon cher ami, soit tu écoutes et tu quittes cette voie-là, ou tu continues à caresser l'entrejambe des femmes et tu finis par l'enfer. C'est ça? Ouais, c'est aussi simple que ça. Continue tes propos. Je ne voulais pas dire ça. C'est ça que la vérité. Voilà. C'est ça que la vérité. Il ne faut pas se tromper. Au finish, on commence à voir effectivement qu'en réalité, le péché se cache sur beaucoup de formes. N'est-ce pas, mes frères? Et on ne pouvait pas suspecter qu'il y a de l'emprise du péché et du mal dans ce médecin, dans ce corps de métier, dans l'aspect de la gynécologie. Mais en examinant ce soir, et puis dans le premier et le précédent enseignement, nous avons vu effectivement qu'il y a un mal. C'est un mal, c'est un peu comme le serpent des mains qui se faufile à l'intérieur et qui finit par mordre. N'est-ce pas, frère Yassin? Exactement, comme dans le cas de notre gynécologue là. Oui. Ouais. La Bible déclare dans le livre des Psaumes, chapitre 101 et verset 3, la partie A, que je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Est-ce que mettre l'entrejambe de la femme d'autrui ou bien d'une femme extérieure à toi est quelque chose de mauvais. Vous avez vérifié que c'est écrit ainsi dans ce livre de Psaume 101, verset 3. Oui, c'est clair, c'est clair. Donc on ne doit pas regarder, on ne doit pas regarder ce qui ne pas se convertir. Exactement, entre autres. Voilà. Et donc, ça veut dire que regarder cela, ce sera d'infliger une raclée de péché à sa conscience. Donc, on peut dire sans risque de se tromper que ici. En amont, c'est parlé ici également la gynécologie. Il y a un compris. Et comme je l'ai cité précédemment dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 suivant, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, dit la Bible. Donc, le corps doit être arrêté, maintenu dans la sainteté. Dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 8, la Bible déclare que tout ce qui est pur, tout ce qui mérite la louange, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est vrai, soit l'objet de votre pensée. Est-ce que le médecin gynécologue, quand il écarte ce qui ne peut pas se convertir et il voit comme ça là, la méditation est pure? Donc également dans ces versets du verset 8 du chapitre 4 des Philippiens, on peut inclure également la gynécologie, n'est-ce pas mes frères? Bien sûr. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, dont notre frère a cité, verset 17, il est dit: quelque autre péché qu'un homme commet est ce péché hors du corps, fuyez l'immoralité sexuelle. Donc ça veut dire que, quel qu'en soit le cas, l'immoralité sexuelle, Jésus a dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, dans Matthieu chapitre 5, verset 28 notamment, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis le péché, il a commis le péché avec elle dans son cœur. Donc le médecin peut être en train de regarder ce qui ne peut pas se convertir tout en commettant le péché parce que le médecin ne lui donne pas le droit d'avancer. Mais jusque-là, il commet quand même l'adultère. Parce que si avec l'habillement de la femme à distance, on peut commettre le péché, comment faire raison lorsqu'on voit la chose exposée devant nous, n'est-ce pas mes frères? En tout cas, vous avez déjà donné une solution, il faut que quitte le métier. Mais la question maintenant se pose, la grande question. Avec l'évolution de la maladie, comme Einstein le disait, ce qui surpasse l'homme, ce qui détruit l'homme, c'est la technologie que l'humanité lui-même a inventée. Avec cette technologie, avec ce progrès de la technologie et de la science, l'humanité se voit toujours dans plus de maladies et le développement des maladies change et mute de plusieurs formes et de plusieurs aspects. Peut-on donc, à notre ère, se passer de la gynécologie dans le cadre moderne? Sinon, comment faire pour résoudre ces problèmes gynécologiques? Vous allez dans un supermarché, un coup aux toilettes et vous chopez un IST. Vous allez dans un endroit, dans une fête, et puis chez quelqu'un, vous entrez quelque part, une maladie sexuellement transmissible. Vous restez à la maison, tranquillement, en tant que femme fidèle et chrétienne. Votre mari, non-croyant, va à l'extérieur et porte les choses, puis il vient vous donner. Il faut forcément consulter les médecins, les gynécologues, pour dépister ce qu'il en est. Que faire aujourd'hui dans ce monde en pleine mutation chromosomique sur le plan de la maladie? Que faire donc pour ces femmes qui souffrent de problèmes gynécologiques? Que faire pour celles qui ont été violées par ces gynécologues? La frontière a été tracée ce soir. La gynécologie, c'est un péché. Ce n'est pas moi qui dis, c'est les médecins qui ont dit. La gynécologie, c'est un péché. Celles et ceux qui consultent les andrologues et les gynécologues sont dans le péché. C'est l'immoralité sexuelle. Péché de fornication et l'impureté visuelle en milieu hospitalier, tel est le thème qui a meublé ces deux parties des blouses blanches dans la sainteté. Nous remercions toute la partie technique, tous ceux-là qui ont participé à cet enseignement, et nous prions tous ceux et celles qui écoutent ceci de comprendre effectivement qu'il est question de leur vie spirituelle. Et si vous ne voulez pas, faites comme Cyril a dit, que la voie pour l'enfer est assez douce. Continuez à caresser jusqu'à descendre jusqu'au Pays-Bas et vous allez arriver jusqu'en bas. Blues Band de la Sainteté, bonsoir. Et avant de conclure ce chapitre, nous tenons à féliciter notre bien-aimé, la nouvelle venue, qui est venue dans le corps maintenant. Elle s'appelle, j'espère qu'elle va faire gynécologie pour parler à ce que nous disons ce soir. N'est-ce pas, mon frère? on fait comment? nous lui faisons une petite dédicace. Alors, d'abord pour elle, allons-y. Bienvenue sur terre, enfant que Dieu a béni. sois le bienvenu pour y faire tout ce que le Seigneur dit. Que ta mère retrouve en toi un soutien, un réconfort quotidien. Et ton père une source de bonheur, ainsi tu plairas au Seigneur. Dieu bénit toute ta vie que tu auras ici-bas, afin de porter beaucoup de fruits, de paix, de justice et de joie. Que la crainte de Dieu t'affermisse, l'Esprit de Christ te remplisse. Que sa crainte te transforme en son image et guide ton pèlerinage. Sois le bienvenu sur terre, enfant que Dieu a béni. Sois le bienvenu pour y faire tout ce que le Seigneur dit. Que ta mère retrouve en toi un soutien, un réconfort quotidien. Et ton père une source de bonheur, ainsi tu plairas au Seigneur. Dieu bénit toute ta vie que tu auras ici-bas, afin de porter beaucoup de fruits, de paix, de justice et de joie. Que la crainte de Dieu t'affermisse, l'Esprit de Christ te remplisse. Que sa crainte te transforme en son image et guide ton pèlerinage. Et guide ton pèlerinage. Et guide ton pèlerinage. Que la crainte de Dieu t'affermisse, l'Esprit de Christ te remplisse. Que sa crainte te transforme en son image et guide ton pèlerinage. Comment il s'appelle le frère Cyril? Elle s'appelle Yona. Yona. Elle s'appelle Yona. Yona, donc déjà. Yona qui, c'est un dérivé des gens. Des gens. Dérivé des gens. Alors, quand il va grandir, voilà, que le Seigneur conduit et que garde son pèlerinage sur la terre afin qu'elle n'entre pas dans les exactions telles que nous dénonçons ici sur Bamba Iba, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure, quand il va grandir, si nous ne sommes plus sur cette terre, si tu dis qu'il y a quelqu'un sur la terre qui l'a aimé et qui lui a souhaité bonne route dans ce monde de perversité. Mm-hmm. Et qu'elle marche dans la sainteté. Amen. Comme défini dans à l'entame de ces propos, de cet enseignement, la gynécologie se définit étymologiquement dans depuis le grec ancien, décomposé en deux mots, comme étant gouné, c'est-à-dire femme, gouné, c'est-à-dire femme, et logi, logos, c'est-à-dire discours ou bien étude. Étymologiquement, gynécologie voudrait dire étude ou bien discours sur les femmes. Comment se fait-il qu'on a commencé à faire des discours sur les femmes, on est arrivé au niveau de la son entrejambe? C'est une problématique qui nous a abouti dans le péché. Alors, ça veut dire clairement que la gynécologie a son initial dans le féminisme. C'est ce que nous allons voir dans un autre cadre, dans l'enseignement sur YouTube, la femme dans la sainteté, la gynécologie, comme une découverte et pour matérialiser les femmes dans le féminisme et vulgariser le sexe féminin. Bamba Iba, ou bien Bamba Iba Google Plus, vous avez les enseignements gratuits, vous consultez les médecins, vous demandez leur numéro, on vous en donnera. Que le Seigneur vous bénisse, bonne soirée et à bientôt. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus vient, Jésus.